écoutez, il est 2h. Laura Noitecamp avec vous, bonsoir à tous. 445 nouveaux wagons pour 1,3 milliard d'euros. La SNCB a signé l'achat avec Alstom Bombardier. Une bonne nouvelle pour le constructeur, mais pas pour les personnes à mobilité réduite. Les portes seraient trop hautes par rapport aux quais. Si les personnes en chaise roulante peuvent bénéficier d'une assistance, elles doivent en faire la demande 24 heures à l'avance. Du côté de la SNCB, on met tout en œuvre pour réduire cette demande à 3 heures avant l'embarquement. Amélie Nothomb a fait son entrée à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Celle que l'on surnomme la Dame au chapeau a pris le fauteuil de Simon Leys, décédé en août 2014. L'importance de l'œuvre, son originalité et sa cohérence, son rayonnement international ont justifié ce choix, a indiqué Jacques de Decker, secrétaire perpétuel de l'Académie. Cette institution a été fondée en 1920 par Jules Destrée et compte 40 membres. La crise au Burundi s'amplifie d'heure en heure. Aujourd'hui, l'Union africaine a annoncé l'envoi de 5000 hommes pour tenter de stopper les violences dans le pays. Il est peu probable que les autorités burundaises acceptent un déploiement étranger sur leur sol. Mais en cas de refus, l'Union prendra des mesures supplémentaires. Ce déploiement aura pour objectif d'éviter la détérioration de la situation sécuritaire et de contribuer à la protection des populations civiles en danger. Le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat jugé contraire à la Constitution. On passe au sport à présent. En football, les résultats des matchs de ce samedi. Charleroi s'est incliné 2-1 face à Westerlo, dernier du classement. Moucron-Perouet a été battu 0-1 par Westland Beveren et OHL a fait 3-1 face à Malines. Et puis ce soir avait lieu la soirée de remise des prix du sportif de l'année. Côté homme, c'est Kevin De Bruyne qui remporte le prix prestigieux. Chez les dames, c'est la boxeuse Delphine Persson qui est élue sportive de l'année. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous à 3h. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Allez, hop, érection, ça tourne. Viva for Life. Viva for Life. De 2h à 6h avec Cyril. Eh ben oui, c'est parti, on va passer la nuit ensemble, une bonne partie de la nuit jusqu'à 6h. J'espère que vous êtes encore en forme, que vous nous suivez peut-être sur la une, en télé, sur Vivacité, en radio, sur le web, sur le Live Center. Et puis il y a quelques résistants encore sur la place de la Digue ici à Charleroi. Je pense qu'on est sur une fin de soirée quand même pour les spectateurs sur la place de la Digue. Ça va quand même, vous êtes encore en forme, vous avez encore un petit peu d'énergie? Un petit peu, ouais. Ça va, c'est bien. Mais comme ça, on se sent pas trop seul pendant la nuit. Alors, je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout ce qui va se passer pendant cette nuit. Je sais que l'équipe a prévu 2-3 choses. Et pour le reste, c'est vous qui allez choisir la musique. C'est comme ça que ça se passe dans Viva for Life. On a encore 89 heures, 11 minutes et 1 seconde. On compte sur vous pour choisir de la musique. Salut, et alors, Cyril. Ce soir... Ah, la voix. Bonjour, comment vas-tu? Ben, ça va, et vous, la voix? Oh, je suis un peu fatiguée. Ah ben, vous avez dormi aujourd'hui ou pas? Mais pas trop. Ah, bah comme moi. Mais parce que... je compte sur vous pour me réveiller. Ah bah, je préférais dormir avec vous, la voix, vous savez. Tout à l'heure. Ah, on pourra voir ça alors, d'accord. La voix, on est d'accord ce soir, c'est les auditeurs qui choisissent comme tout au long de la journée, tout au long de ces 144 heures de Viva for Life, qui choisissent la musique, hein. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors vous le faites en allant sur vivaforlife.be, c'est là où vous choisissez la musique, vous choisissez le morceau que vous avez envie d'écouter, vous faites un don qui vient s'ajouter à la cagnotte Viva for Life, on compte sur vous. Mettez bien votre numéro de téléphone, comme ça ce soir on passe la nuit ensemble et on va s'amuser tout au long de ces 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et pour démarrer cette nouvelle heure de Viva for Life, c'est Olivier qui a misé, qui a fait un don de 20 euros. Ça, c'est pas le bon bouton, ben voilà, c'est le temps de se remettre dedans. Hein. C'est Olivier qui a décidé de mettre 20 euros pour écouter quelle chanson. Bonsoir Olivier. Olivier, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, oui. Ah, bonsoir Olivier. 20 euros de don parce que vous adorez une chanson, c'est laquelle? Johnny B. Good. Ah oui, avec de Chuck Berry, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On va écouter ça dans un instant. Qu'est-ce que vous faites ce soir en pleine nuit, à 2h du matin? Bah, on est devant la télé. Bah, c'est une très bonne chose. Vous avez passé une bonne soirée jusque-là avec toute l'équipe pour la soirée cinéma, avec les blind tests et tout ça? Oui, très bonne. Oui. Vous avez un film préféré, vous? Ah, de Retour vers le futur. Ah ouais. Et vous avez fêté les 20 ans alors de Retour vers le futur il n'y a pas très longtemps. Voilà. Dans le film, quel est l'objet? 2 secondes, la voix. On est en train de discuter, vous n'allez pas nous couper comme ça. Je voulais présenter Olivier. Vous voulez présenter Olivier ? Non, je voulais que tu me présentes Olivier. Mais je vais être jaloux. Écoute, alors, on peut partager. La voix, Olivier, Olivier, la voix. Voilà, les présentations. Bonjour, sont bonjour. Bonjour, bonjour. Tu vas bien ? Ça va, et vous ? Oui, hein. Es-tu célibataire ? Pardon ? Es-tu célibataire ? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Hein. Ah non. Je vais vous laisser tous les deux. Vous me rappelez quand vous avez fait votre petite affaire, d'accord ? La voix, c'est tout ? C'est comme ça que vous draguez ? Vous arrêtez ? Mais j'ai un peu peur. Ah, vous êtes timide. Bon, on va vous décoincer au fur et à mesure de la soirée. Alors, on parlait de Retour vers le futur. Olivier, il y a un objet dans le film qui serait génial si vous l'aviez là, aujourd'hui, en 2015, chez vous ? Ah ben, la machine a remonté le temps, oui. Ah, ce serait pas mal. Et vous iriez où, vous, alors ? Oh, on reculerait déjà pas mal quand même, parce que quand on voit tout ce qui se passe maintenant... En quelle année ? Vers votre adolescence ? C'était bien l'adolescence ? Oui, les années 80, oui. Ouais, bah pourquoi pas. Bah, si jamais on la trouve, on fait appel, on vous rappelle, d'accord ? Ça va, ok. Ce sera la mission de la voix avant la fin de cette émission, inventer la machine à remonter le temps. Voilà. C'est pas gagné. Merci Olivier en tout cas d'avoir donné 20 euros pour pouvoir écouter votre chanson préférée. On vous souhaite une excellente nuit. Et puis bah, on se retrouve tout de suite sur la une. Vous continuez à nous suivre en télé, d'accord ? Oui, bien sûr, et bon courage pour le reste. Merci beaucoup et faites comme Olivier. Allez sur viva4life.be pour choisir la musique que vous avez envie de partager avec les autres auditeurs. Viva 4 Life. Saw all of the saints lock up the gates. I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. Is a ghost town. Sur Vivacité dans Viva for Life, c'est les morceaux que vous choisissez, qu'on écoute tout au long de cette nuit sur la une, en direct, en télé et sur Vivacité. Il y a quelqu'un qui est avec moi au téléphone, elle s'appelle Françoise. Bonsoir Françoise. Ah. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah, ça va bien, je suis content de vous avoir au téléphone Françoise. Merci, t'es gentil. Qu'est-ce que vous faites de beau cette nuit? Ah, je vous regarde. Ah bah je vous fais un gros coucou, un gros bisou. Françoise, ça c'est pour vous. Vous êtes de quelle région? Marc, Anguien. Marc, c'est à côté de, d'Anguien. Et il y a des autres villes avec des prénoms? Il y a Francis tout près? Il y a Gilbert? Non, je suis pas très loin. Je suis pas très loin de Hal. D'accord. Eh ben, ça fait plaisir que vous soyez là ce soir. Vous avez choisi de la musique. Alors, avant d'écouter le titre que vous avez demandé, je vais vous passer des chansons de Claude François parce que c'est une chanson de Claude François que vous avez demandé. On est oui, bien d'accord. Exactement. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes une grande fan de Clo-Clo. Oui, j'étais une grande fan de Clo-Clo. T'as été toute ma jeunesse. Alors, je vous passe des extraits et puis vous chantez au-dessus des chansons, d'accord? Alors, essayez qu'il n'y a pas une tempête de neige alors. Oh bah c'est pas grave, c'est la nuit, on fait dodo, il n'y a personne ou pas grand monde dehors. S'il non, pleut un petit peu, c'est pas grave. Mon mari qui le verra demain matin. Mais... c'est très bien. Comment il s'appelle le mari? Roger. Roger, eh ben on embrasse Roger et je vous passe la première chanson. Alexandrie, Alexandra, ça vous parle? Oui. Attention, 3, 4, François, c'est à vous. Alexandrie. Alexandrie. Oui, vous ne savez plus? C'est pas grave, on a un autre. Écoutez ça. Oh, oh, oh, oh, oh, je mettrai tout mon cœur. Ferme une frange et une barrière. Et je mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, allez, un autre, Françoise. Magnolia.

a été demandé par Philippe de Hette qui a donné 50 euros. Merci beaucoup Philippe. Si vous, vous n'avez pas encore choisi votre morceau, bah allez-y, faites-le. On vous attend sur vivaforlife.be tout au long de la nuit. Vous choisissez la musique, on passe cette nuit ensemble et laissez bien votre numéro téléphone quand vous choisissez la musique, comme ça on peut se parler. D'ailleurs dans un instant, il y a Nicolas qui sera avec nous, mais avant direction la boîte aux lettres, parce que même en pleine nuit à 2h25, les Carolos sont présents sur la place de la Digue. Bonsoir, quel est ton prénom? Bonsoir, je m'appelle Chaussette. Josette, sois la bienvenue. Qu'est-ce que Josette, tu fais encore debout à cette heure-ci? Oh bah écoutez, j'ai terminé, je tiens un salon de coiffure, donc j'ai terminé un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'avais un peu de comptabilité et tout ça à faire. Donc maintenant, je me suis dit, il est tout seul ce brave gamin, je vais peut-être aller lui tenir un petit peu compagnie. Eh bah c'est super gentil, ça fait plaisir. Est-ce que je peux venir avec vous, Cyril? Dans le cube? Oui. Mais on n'a pas la clé, c'est Patrick Bruel qui l'a pour le moment, donc mais je sais je pas ouvrir. Je suis persuadée qu'en cherchant très bien au fin fond d'un tiroir, Cyril, vous pouvez retrouver cette clé. Alors, si quelqu'un à l'arrière de cette équipe, parce que derrière, il y a toute une équipe de dingue qui travaille. Eh bien, alors, je leur dis bonsoir. Mais, déjà? Eh bien, si quelqu'un a la clé, a la voix, vous avez la clé, vous, du cube? Je ne l'ai pas, non. Je suis un peu jaloux. Moi, je n'entends pas la voix. La voix, tu vas l'entendre normalement dans le haut-parleur. La voix, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu jalouse. Pourquoi? La voix, on ne l'entend pas ici. Hein. Dehors, on ne l'entend pas. Cyril. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre entre dans le studio avec toi. Vous ne voulez pas? Non. Alors, il faut que tu donnes des arguments parce que la voix n'a pas envie que tu rentres. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à la voix? Écoutez, alors, d'abord, je vois déjà que vous êtes tout seul, donc vous avez besoin de compagnie. À moins que la voix ait envie que vous dépérissiez, mais je ne pense pas que ce soit ça le but du jeu. La voix, c'est ce que vous voulez? Il y a moyen de conclure, là. Et puis, de toute façon, je suis tout à fait raccord avec votre thématique du jour de cinéma parce que j'ai mis ma robe à paillettes. C'est une comme les grandes robe. Actrices. Ouais. Et en plus, mademoiselle me suggère de vous faire une déclaration d'amour. Oh, et si je ne suis pas dans le cube, je ne peux pas le faire, monsieur. Mais alors, ça peut se faire depuis l'extérieur. Non, monsieur, je vous dis, je ne peux faire ça qu'en face à face. Cyril, tu peux la faire rentrer. Vraiment, on a le droit de faire rentrer. Mais juste Josette. Eh bien, Josette, il y a quelqu'un qui va venir te chercher et tu vas voir. Merci beaucoup, merci à la voix. L'occasion de rentrer dans ce cube. Oh, je suis toute excitée. Je pense que c'est la voix qui a envie de te voir, principalement. Oh, Josette. Mais je ne suis pas fermée aux propositions, Ben, la voix est heureuse alors. Josette, tu peux passer par le côté. La sécurité va te laisser passer. Cyrilou. Et va t'emmener jusqu'à l'entrée du cube. À tout de suite, Josette. Nicolas est avec nous au téléphone. Bonsoir, Nicolas. Non, ça c'est la porte. Attends, Nicolas, parce que si je mets une sonnette pour le téléphone, ça va pas aller. Nicolas, ça va, la soirée se passe bien? Oui, salut Cyril. Oui, tout va bien. Bon, chapeau en tout cas. Ben merci. Tu as choisi quelle chanson? 3-4, Evanescence. C'était la BO de Spider-Man, ça, non? Voilà, c'est ça. My Immortal Daredevil, c'est ce que tu as demandé. Voilà, avec, tout à fait. Avec oui, le oui, même oui, accent, si toi tu le dis, ça donne quoi? Non, c'est ira. Je l'espère. C'était un autre d'Evanescence qui était la BO, je crois que c'était Bring Me to Life, c'est ça, hein? Je ne sais plus exactement. Ouais, je pense que c'est ça, si je dis pas de conneries. Et je crois que c'est Spider-Man. Est-ce que c'est ça? Pas sûr. Je vais chercher en même temps. Est-ce qu'on a Evanescence ici? Ah bah non, on a pas Bring Me to Life, mais je pense que c'était ça. Et en même temps, Nicolas, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout, que ce soit ça ou pas. C'est pas grave parce que c'est pas le titre que tu as demandé. Non, de toute façon, non. Bah voilà. Voilà, mais de toute manière, j'adore ce groupe et j'adore sa voix, donc... Est-ce que tu préfères qu'on écoute Evanescence ou passer du temps avec Josette qui était à la boîte aux lettres il y a quelques secondes et qui va rentrer dans ce cube? Bah, comme tu veux, moi. Ouais. Bah alors, on va faire les deux. On va écouter Evanescence et puis on accueille Josette. Il me semble que t'as de la chance, en tout cas. Je vais voir ça dans un instant. Nicolas, merci beaucoup d'avoir donné, parce que tu as donné beaucoup en plus. Tu as donné combien? 50 euros. Ben voilà, on ajoute ça à la cagnotte Via for Life grâce à toi. On fait grossir ce compteur et on le découvrira seulement le 23 octobre quand Marraine nous sortira du cube, quand Zazie viendra ouvrir la porte. Bonne soirée, Nicolas. Merci, bonne soirée à toi. Bah, à très bientôt. Et vous aussi, choisissez la musique. Vivaforlife.be pour le faire. Vous mettez votre numéro de téléphone et comme ça, dans quelques minutes, on fait de la radio ensemble toute la nuit. Ce samedi soir, on va le passer ensemble, vraiment. I'm so tired of being here. oppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still. Parce que c'est lent, que c'est l'heure de s'endormir. On est avec vous jusqu'au bout de la nuit et 24 heures sur 24 pendant encore 88 heures et 40 minutes sur Vivacité, c'est Viva for Life que vous regardez. Vous faites vos dons sur vivaforlife.be en choisissant la musique que vous voulez écouter. Alors on peut vraiment partir dans n'importe quel délire. Par exemple, celui-là on l'a pas encore demandé. Vous vous souvenez de Ozone ? Eh ben Ozone, on pourrait peut-être l'écouter cette nuit. Ah, la voix, vous aimez bien Ozone ? Allez, chantez un peu dessus. On dirait un vieux chat malade, quoi. Vous pouvez aussi demander ça, par exemple. Il n'y a pas de limite, on se fait plaisir. Vivaforlife.be pour choisir vos chansons. Exactement, il y a ça aussi. Quelle voix, quand même. Vous faites la chorégraphie aussi à voir. Mais oui, mais pouvez pas me voir. Hein. Bah non, forcément, on peut pas vous voir. Mais j'imagine, j'imagine très bien, avec la voix que vous avez, le physique que vous devez avoir. Il y a cette chanson-là aussi. N'hésitez pas, vous demandez ce que vous avez envie d'écouter ce soir, cette nuit sur viva4life.be. Vous choisissez et puis vous faites un petit don et comme ça on fait grimper cette cagnotte, on fait gonfler le compteur qu'on découvrira le 23 octobre. Il y avait une demoiselle qui était devant le cube il y a quelques minutes, elle a demandé une petite faveur, c'est de venir dans ce cube et la voix, vous avez accepté exceptionnellement qu'elle rentre. On est d'accord? Oui, on est d'accord, oui. Il est l'heure donc d'accueillir Josette. Bonsoir Josette. Bonsoir Josette. Alors Josette va s'installer autour de la table. Oh, comment ça va Josette? Je suis contente de vous voir. Alors Josette, qu'est-ce que c'est que ça? Josette, vous venez de quelle région? Vous êtes de Charleroi? Alors prenez le micro qui est là Josette. Installez-vous. Je viens de la région, je viens d'un petit village qui s'appelle Ligny. Ligny, d'accord. Oui, c'est la dernière victoire de Napoléon, on en est particulièrement. Vous vouliez absolument rentrer dans ce cube, pourquoi oui. Josette? Mais parce que, écoutez, comme j'ai vu que vous étiez seul, je me dis, mais oui. Il dépérisse, bonhomme, je le vois pas, il est triste à mourir. Et comme en plus vous parliez de cinéma, et oui. Que le cinéma c'est le rêve de ma vie. Vous voulez être actrice? J'aurais bien aimé. Ah, mais vous pouvez faire une démo? C'est-à-dire que je vais peut-être le garder pour un petit peu plus tard, parce que vous allez peut-être aussi devoir participer. Il n'y a pas de raison. Ah, vous voulez que je participe? Mais bah, est-ce qu'on peut tester juste vos talents, par exemple, si je vous demande bien sûr. De jouer? Je vous donne des émotions, vous les jouez. Oui. Ok, par exemple. D'accord. La tristesse. Oh, ça ne va pas. Je suis vraiment triste. Parce que je suis vraiment, mais triste. Alors, c'est mon à chaque fois. Chat est mort. Carrément? Oui. Comment il s'appelait? Bidule. Bidule, le pauvre chat. Mon chat est mort. Et on risque de fermer mon salon de coiffure. Carrément? Oui. Mais quand séductif. On voit le résultat, c'est pas étonnant. Hein. Oh, écoutez, je viens de refaire ma colo. Moi, c'est je trouve qu'elle est très bien. Magnifique. Alors, Josette, on va changer d'émotion. On va voir à quel point vous êtes bonne actrice. À quel point je suis bonne? Non, qu'est-ce bonne que actrice. Vous voulez dire? J'ai précisé actrice. On parle déjà de film X. Alors. Mais je ne couche pas, moi, monsieur. Hein. Attention, Josette. Oui. La peur. Oh, petit chou. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Oh, je suis effrayée, j'ai peur! Si vous êtes producteur, vous ouais, non, c'est magnifique, si vous êtes producteur, si vous cherchez, c'était la soirée cinéma, par exemple Nicolas Beutars, qui a pas mal de contacts dans le cinéma, est peut-être en train de vous écouter, de vous regarder, peut-être que Nicolas peut nous appeler pour vous donner des conseils, vous donner des contacts aussi dans le cinéma. Vous pouvez lui donner mon numéro sans problème. Ben, on peut essayer peut-être de le contacter pour avoir un avis sur vos prestations. Oh oui, volontiers, ça me ferait tellement plaisir. Alors, on va écouter dans un instant le prochain choix d'un auditeur, mais oui. Juste avant... Oui. Je voudrais que vous nous montriez la joie. Oh, je suis tellement contente de vous voir, Cyril. Ça fait si longtemps que je voulais vous toucher. J'ai déjà touché vos bras. Oui. Je ne vais plus blâmer pendant 4 jours. Ben, on va pas aller plus loin. Hein. Cyril, mais je suis jalouse. La voix, qu'est-ce que vous voulez un moment? Mais je suis jalouse. Ben oui, mais Josette, elle vient jusqu'à moi, elle vient en studio. Vous, la voix, vous restez cachée, je ne sais même pas où vous êtes. Mais je ne peux pas venir. Eh ben oui, ben du coup, ben voilà, priorité à Josette qui, elle, peut venir dans ce cube. Oui, mais l'amour, c'est le sentiment. C'est il n'y a pas que ça, vous savez, dans l'amour. Je vais vous apprendre deux, trois choses après. La voix, calmez-vous, la voix. On trouvera un moment pour passer du temps, vous et moi, vous savez. La voix. On écoute une petite chanson? Vous restez là, Josette? Oh oui, je reste. Allez, on écoute Corona, ça a été demandé par monsieur Leonardo de Moucron qui a mis 50 euros. Hop là, on ajoute et voici The Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm. You're good. Josette, pour tous ceux qui sont en train de nous regarder sur la une en télé, sur le live center rtbf.be, je veux voir danser sur Corona. D'accord. Allez, faites bouger vos cheveux, votre belle chevelure. Attendez, je vais descendre, mais la chaise est un peu... Vous êtes un peu petite. Voilà. C'est une vision des choses. C'est, bah oui. Que je ne partage pas. Quelle danse, quelle danse. Vous allez être impressionné si vous connectez maintenant sur la une. Et le fait de danser attire du monde à cette boîte aux lettres sur la place de la Digue, ici à Charleroi. Bonsoir. Bonsoir, vous nous entendez à la boîte aux lettres? Visiblement, ça ne fonctionne pas. La boîte aux lettres. Allô, la boîte aux lettres? Non, la boîte aux lettres ne fonctionne pas. Peut-être qu'il n'y a plus de son sur la place de la Digue. Pour... Si. On me dit que si, on entend, mais je pense qu'il y a un certain stade d'avancement dans la soirée qui fait qu'on n'entend plus vraiment ce qui se passe. On retournera plus tard à la boîte aux lettres. Josette, vous êtes toujours là en studio? Je suis toujours là, je ne vous quitte pas. Il y a un instant, vous étiez sur la place de la Digue, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer, Josette. Votre talent d'actrice me touche. Ah bah écoutez, je suis ravie que ça vous touche parce que je dois vous avouer une chose. Dites-moi. Je ne suis pas venue ici pour rien. Ah. C'est-à-dire que j'espère depuis longtemps transmettre ma passion pour le cinéma. C'est voyez, ça. Je rêvais d'aller à Cannes, je n'ai pas pu. Je suis venue à Charleroi. Bah, Charleroi, c'est un peu Cannes, vraiment. Oui, c'est ça, c'est ça. Tous c'est les plus le grands tapis rouge Carolo. Mais c'est ça. Voilà. Et Patrick Bruel vient à Charleroi. Loïc Notet vient à Charleroi. Zazie vient à Charleroi. Tout, voilà. Évidemment, et tout donc, se passe ici. Je me suis dit, il faut que je transmette ma passion à quelqu'un. Oui. Et quand je vous ai vu bouger hier, j'ai vu le déhanché, le mouvement de votre corps. Ah, vous avez vu que la danse, c'est ma vie, hein. Je me suis dit, plus que la danse, Cyril, le cinéma. Carrément. Mais oui, Cyril, vous êtes fait pour être acteur. Alors, j'ai ce que je vous propose... Parce que vous savez, les plus grands acteurs, à quoi on les reconnaît? On pourrait dire, on fait rire, on fait pleurer. Oui. Je pense que le plus compliqué, c'est de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est vraiment pas. C'est-à-dire? Vous êtes un homme. Effectivement. Ben, oh là ça là. M'a l'air. Oh là et là. Eh bien là donc, là. Vous allez tenir le rôle d'une femme. Et j'ai amené à ce propos quelques petits accessoires. Je m'attends au pire. Donc, vous allez devoir mettre ce magnifique costume. Alors, je c'est décris. Une magnifique robe. Voilà, c'est ça. C'est un... Non, ce n'est pas une robe. Déjà, là, en couture, vous êtes un peu nul. C'est un pyjama. C'est... ce n'est pas un pyjama. Ça appartient à ma mère. Faites bien attention à ce que vous dites. Très belle robe de nuit de votre maman. Oui, donc, c'est une jupe avec un petit chemisier dernier cri. Donc, le fond est noir. Il y a des feuilles automnales rouge foncé avec quelques petits boutons très séduisants. Vous allez enfiler, je propose, ce costume pendant le prochain. J'ai un disque, on va faire ça. À l'aise, et puis après, ben, on verra vos talents d'acteur. Eh ben, j'ai peur pour la suite. Ne zappez pas, même si c'est impressionnant quand j'aurai mis cette tenue. Restez sur la une, on est là jusque demain matin avec vous en direct. Et vous choisissez la musique. On vient vers vous, Josette, dans un instant. Alors ça, il y a Olivier qui a choisi de la musique sur viva4life.be. Bonjour Olivier, bonsoir. Bienvenue à vous, Olivier. Allô. Oui. Allô. Ça va bien? Ouais, mais c'est décalé solide. Hein. Alors, bah, oui, c'est décalé solide, ça c'est vrai. Hein. Bonsoir Cyril, tu vas bien? Bah, ça va super. Olivier, il faut juste couper le son de la télé parce qu'effectivement, il y a un petit décalage entre ce qui se passe ici dans le cube et le moment où ça arrive sur ta télé. Olivier, tu nous appelles de Lannes, tout va bien là-bas? Ok. Alors justement, c'est bien que tu appelles de l'âne, parce que Via for Life, c'est pour les enfants. 80 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Et l'âne, par exemple, fait partie d'une commune qui a pas mal de préjugés. On se dit, oh, à l'âne, tout va bien. Il n'y a pas besoin de... Merci pour le bruitage d'âne. Non, mais il y a aussi l'âne, hein, mais ça n'a pas marché non plus. Francis, bon. L'âne, oui. Ouais. Ça marche aussi. Il a aussi. Essayé, mais c'était pas vraiment le bon plan. Bon, non, bah, non, non, ça c'est vrai. Il a voulu acheter une baraque là-bas, c'est mort. On peut faire beaucoup de jeux de mots sur la ville de Lannes. Mais alors, ce que je voulais dire, un petit moment sérieux, c'est que même à Lannes, même dans le Brabant Wallon, dans toutes les régions de Belgique, il y a des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors on s'amuse ici sur la une en télé, sur Vivacité en radio, mais on est là pour récolter de l'argent. Et il faut se battre pour toutes les régions et pour défendre tous ces enfants qui en ont besoin. Viva4life.be pour faire votre don. Et vous, Olivier, vous avez fait un don de combien? Mais j'ai reçu un don de 10 euros parce qu'il y a un truc que vous ne faites pas assez dans votre promo, c'est Dis-moi. Le fait qu'on peut faire 4 dons de 10 euros plutôt que 1. Exactement. On peut faire 4 chansons, etc. Et pendant 4 jours, se dire, ouais, ok, voilà, aujourd'hui je mets 10 francs, ou voilà. Et demain aussi, et demain aussi, et demain aussi. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Eh bien, c'est bien de le préciser. Personnellement. Olivier, tu as raison, à un moment, il faut remettre les choses au point. On peut faire plusieurs dons. On peut faire 8 dons de 5 euros et choisir 8 chansons. C'est quelque chose de tout à fait possible. Vous êtes fort en maths. Ah oui, mais c'est. C'est pas une question de maths. C'est une fois que tu as fait 4 fois 10, c'est 4. Hein. Donc 40, 4 c'est bon, 10, c'est 4. Négociable. Hein. Donc voilà. Exactement. C'est une question de gouvernement. Olivier, c'est bien de préciser ça parce que quand on parle de déduction fiscale à partir de 40 euros, ça marche même si vous le faites en plusieurs fois. Donc ça, c'est important à dire. C'est que même si vous faites 4 fois 10 euros, vous retouchez 18 euros après sur votre feuille d'impôt. Donc ça, c'est bien. Donc c'est parfois plus facile à certaines personnes de faire passer 4 fois 10 euros plutôt qu'une fois 40. Ça s'appelle le gros café ou le petit café. C'est tout. Et alors, mais on me dit, Régis, je vous, les soirs, je vous regarde. C'est très gentil. Je vous admire. C'est impossible de ne pas vous regarder. Olivier, vous faites partie de l'équipe de production ou vraiment vous regardiez la télé ce soir? Non, pas du tout. Mais s'il y a moyen de faire partie de l'équipe de prod, je veux bien. Mais comme tout le monde rentre dans ce cube ce soir, n'hésitez pas, venez place de la Digue à Charleroi. Vous pouvez venir. Je vous venir. Promets que je vais venir. Et je peux rentrer à l'intérieur alors? Bah, si Josette est rentrée, vous pourrez rentrer. Hein. Ce soir, il n'y a plus de règles, j'ai l'impression. Olivier. Mais je ne sais pas. Donc, vous avez donné mon identité ou encore 10 balles, je ne sais pas. Votre numéro de carte de crédit, c'est ce qu'on va vous demander pour rentrer. C'est ça. Olivier, merci pour le don de 10 euros. Quelle chanson tu voulais écouter? Premier morceau, c'était We Come One. Oui. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais là, on va rendre hommage à Cubi. Vous savez qui est Cubi? Ouais, le petit chat, là. Et... Ben oui. Le petit chat qui fait. Il a un drôle de miaulement, dis donc. C'est quoi ce bruit, Olivier? Et il y a un moment où il faut réveiller les morts. Ben oui. Ah là, je pense qu'ils se retournent dans leur tombe, effectivement. Olivier, vous avez, entre autres, je passe du tu au vous depuis 5 minutes, je sais pas, on va dire tu. Olivier, tu as choisi parmi les 4 morceaux Le Chat de Powwow. On écoute ça te va? Ça paraît parfait. Est-ce que tu peux juste faire Le Chat juste avant qu'on se dise au revoir? Alors je te fais... Non mais... Dis-moi quel chat fait ce bruit-là. On va essayer va un autre animal. Tenir pendant 4 jours. Le chien, c'est quoi le chien? Si le chat c'est ouh, ouh, ouh, qu'est-ce que fait le chien? Eh, on dirait un frère. Est-ce que tu peux faire le tigre? Non, ça ce sera pour la ça demain, pas. Hein, sinon c'est pas marrant. Ce sera pour le prochain don. Bonne soirée, on Olivier. On est bien d'accord. À très vite. Salut Olivier. Josette, Josiane. Oui. Non, Josette. Josette. Je vous appelle pas Sylvain. Hein. Tu ne bouges pas. Non, je ne bouge pas. Je reste là. Je vais mettre la robe, la jupe, la robe de nuit. On ne sait pas ce que c'est. J'ai et on revient juste après. Aussi. Voici Powwow, le chat. Vouloir être le chat. Me frotter contre tes bas. Je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus. Que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être le chat. Tant pis soit quand je te vois. Moi vouloir être le chat. Retrouver sur les gouttières mes copules de litière. Me toujours rester à toi. Prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être le chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi. Si un tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse. Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Sur Vivacité dans Viva for Life. Alors, si vous êtes en train de regarder sur la une en télé, non, ce n'est pas Ophélie Fontana. Parce qu'elle l'a portée, la perruque, l'autre jour, hier, elle a relevé le défi. Pourtant, il y a dans petite 15 minutes. Terre de Fabie. Il hein, y a ouais. Petite terre de Fabie. Alors, Josette, qui était devant le cube, est rentrée dans le cube et tu as demandé à ce que je sois déguisée en femme. Oui, parce que c'est le rôle de votre vie, puisque c'est le thème du cinéma. Il va oui. falloir que vous jouiez un personnage. D'accord. Le personnage d'une femme, parce que c'est le plus opposé hein, par rapport à ce que vous êtes fondamentalement. À la base, oui, effectivement. Et donc là, j'ai une magnifique robe rouge et noire, pour ceux qui nous écoutent en radio, et une perruque orange. Oui, ce n'est pas très assorti, mais je n'en peux rien si vous avez des cheveux orange. On dirait Mylène Farmer un petit peu. Oui, voilà, il y a un, c'est il y a, ça. Il y a un air. Hein. La voix, est-ce que je vous plais comme ça? Ah oui, tu es très beau. Oh bah, attention. Il faut dire très beau ou très belle. Ah oui. Très belle, mais il y a des hommes qui s'habillent comme ça. Hein. C'est vrai. Et ils font de la musique, généralement. Ouais, et il y a un ouvrier, il y a un gars qui fait du bricolage. Ça s'appelle les Village People. Ok, c'est ça. D'ailleurs, on ne nous a pas encore demandé les Village People. Vous pouvez le faire, vivaforlife.be, vous choisissez la musique a du cœur, on la partage, même au milieu de la nuit, en direct à 2h54. Bon, maintenant que je suis déguisé, que je ne ressemble à rien. Vous pourriez par exemple faire une petite chorégraphie vous féminine. Josette, tu viens danser avec moi alors. J'arrive. Attention, on fait YMC en direct. Young man, there's no need to feel down. I said young man, pick yourself off the ground. I said young man. You can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA, it's fun to stay at the YMCA, they have ça nous a permis d'écouter un petit peu des Village People également sur Vivacité cette nuit. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vivaforlife.be et vous pouvez commenter la chorégraphie sur Twitter, hashtag danse avec les stars. N'hésitez pas, je pense qu'il y a quelque chose. Dites-nous, donnez-nous une cote de 0 à 10 si vous avez suivi cette chorégraphie en direct sur la une en télé. Josette, vous dansez très bien. Oui, je vous remercie. J'ai pris quelques cours de danse, ça se voit. Ah, ben en plus du cinéma, vous avez ça en vous. Ah, c'est les comédie musicale qu'on voit aussi au cinéma, voilà, il faut pouvoir tout faire, je sais chanter aussi, mais ça je vous montrerai un autre jour. Ah ben, j'ai hâte de découvrir ça. La voix, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'elle chante aujourd'hui. Ben, qu'est-ce qu'on que va vous faire? Voulez que je chante? On le fera après. Peut-être après les infos de 3h. Oui, vous voulez volontiers, bien volontiers. Là, on va se calmer. On va aller du côté de la boîte aux lettres. Qui est à la boîte aux lettres? Bonsoir. Ouais. C'est qui? On veut entendre Bob Deschamps. Bob Deschamps. Pays de Charleroi. Allez. Pays de Charleroi. C'est toi que je préfère. Allez. Il y a des euros qui tombent. Ça, ça fait plaisir. Allez. Vous pouvez rechanter Pays de Charleroi? Ouais. Allez. 3, 4. Ouais, mais pas ici. Allez. C'est que je préfère à mes yeux. Ouais, c'est toi. Ouais, mais ils sont magnifiques. Il faudrait mettre la musique. Il y a la musique en fond. Allez-y. Là, vous l'entendez pas? Dans ton oreille, mais pas ici, hein. Pas ici, hein. On a carré. Tu veux que je revends, que je dise où elle est, la musique? Elle est où, la musique? Oui. C'est toi que je préfère. Oh, merci, t'es bien gentil. C'est ça aussi, Viva For Life. C'est des situations surréalistes en pleine nuit sur la place de la Digue ici à Charleroi. Ça fait plaisir que les Carolos accueillent à ce point-là Viva For Life. Et si vous n'êtes pas dans la région, n'hésitez pas à participer vous aussi sur vivaforlife.be. Vous faites vos dons pour choisir la musique. Et par exemple, It's My Life de Bon Jovi a été demandé par Manuela de La Louvière. Elle a donné 15 euros. Et normalement, on devait écouter Bon Jovi, mais j'ai fait la boulette. Du coup, on repart. Je vais vous passer 2 minutes de juste 10 secondes de Bon Jovi en boucle. Voici It's My Life. It's in a song for the broken hearted. Avec nos partenaires. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Merci de nous écouter, il est 3h. Laura Noitecamp avec vous, bonsoir à tous. C'est un réel soulagement pour TéléMB. La télévision régionale de Mons-Borinage va recevoir 1 million d'euros des 9 communes socialistes de la région. Il y a 10 jours, la direction annonçait que les caisses étaient vides. Cet équivalent temps plein allait perdre leur emploi. Ce million permettra d'éponger le déficit de TéléMB. La direction et les bourgmestres socialistes vont maintenant tenter de convaincre le reste des communes de la zone où le MR et le CDH sont au pouvoir. C'est le dernier week-end avant les fêtes de Noël. De nombreux magasins seront ouverts ce dimanche. L'occasion de trouver peut-être les cadeaux manquants pour amis et famille. Les commerçants attendent beaucoup de ces 2 jours d'ouverture. Avec les attentats et la fermeture des commerces durant plusieurs jours, les caisses se sont moins remplies que d'habitude. La Turquie a annoncé qu'elle poursuivra le retrait de ses troupes d'Irak suite à l'appel téléphonique du président américain Barack Obama à son homologue turc Recep Erdogan. Barack Obama l'a invité à prendre une telle mesure afin d'apaiser les tensions entre les 2 pays voisins. Le président américain a insisté sur la nécessité pour la Turquie de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. La Turquie avait déployé en Irak il y a 10 jours un contingent de 150 à 300 soldats et une 20aine de véhicules blindés dans le nord du pays. Mais Bagdad y a vu une incursion illégale. On passe au sport à présent. En football, les résultats des matchs de ce samedi. Charleroi s'est incliné 2-1 face à Westerlo, dernier du classement. Moucron-Perouet a été battu 0-1 par Westland Beveren et OHL a fait 3-1 face à Malines. Et puis ce soir avait lieu la soirée de remise des prix du sportif de l'année. Côté homme, c'est Kevin De Bruyne qui remporte le prix prestigieux. Chez les dames, c'est la boxeuse Delphine Persson qui est élue sportive de l'année. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous à 4h. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé. Viva for Life. Viva for Life. De 2h à 6h avec Cyril. Et je remercie l'équipe qui est en régie, qui s'amuse à placer des sons et qui se moque de moi parce que grâce à Josette qui est rentrée dans ce cube, je suis déguisé en Mylène Farmer. Vous n'êtes pas déguisé. C'est Actor Studio ici. Vous allez vivre le personnage d'une femme. Je suis une femme maintenant. Oui, Cyrillette. Qu'on me donne une carte de crédit, je dois aller faire du shopping. Eh bien, Cyrillette, je suis bien dans le rôle de la femme, là. Oui, voilà, je trouve qu'en tant que Cyrillette, vous allez... Cyrillette. Oui. C'est pas mal. Bah voilà, je viens de l'inventer, mais je trouve que ça donne bien, ça va bien avec la couleur de vos cheveux. C'est magnifique, ce orange fluo. Je pense que c'est la couleur des gens qui font les travaux sur le bord de la route. Oui, aussi. C'est pour pas se faire écraser la nuit. On va du côté de la boîte aux lettres. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. C'est quoi votre prénom? Marceline. Marceline. Et vous venez d'où? D'Anderlu. D'Anderlu. Ah, mais vous n'êtes pas juste à côté en plus. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas juste à côté, vous avez fait de la route. Non. C'est pas non, si loin. Que ça. C'est pas si loin, d'Anderlu. C'est pas loin. Ça, quoi, 20 minutes même. Ah, bah, 20 minutes, oui. 20 minutes à 3h du matin, c'est pas mal. On m'a dit, t'es dans le coin. Ah, vous faisiez la fête. Oui. Vous avez dansé? Non, on a fait un bowling. Ah, c'est bien aussi le bowling. Ah, je suis très mauvais en bowling. Moi aussi. Oui. Eh ben, on ira en faire un ensemble alors. Ah, un de ces jours peut-être. Eh ben, oui. Avec plaisir, Marceline. Vous avez déjà participé? Vous avez mis vos petits sous dans la boîte aux lettres? On les met. Vous voilà. Mettez combien? On a mis 10 en tout. 10 en tout. Eh ben, on ajoute ça à la cagnotte. Merci beaucoup, Marceline. Et votre copine à côté s'appelle comment? Cathy. Merci, Marceline et Cathy. Bisous. À bientôt. Bisous. Il y a Andy qui est avec nous au téléphone. Bonsoir, Andy. Bonsoir. Comment ça va, vous? Ça va. Oh, c'est un ça va de... Je vais quand même aller dormir. Ah, non, mais à mon avis, je vais pas tarder. Je vais pas tarder. On comprend pas tout, parce que c'est l'heure à laquelle votre bouche dort déjà, j'ai l'impression, Andy. Vous êtes ouais. Anderlecht? Ouais. Et vous avez choisi d'écouter quelle chanson? Mister Oiseau. Ah, ça, c'était bien. Mister Oiseau, c'était la peluche qui hochait de la tête sur une pub de oui. Jeans. Le nounours ouais, jaune. Ouais. Vous l'aviez, le nounours jaune, Andy? Ou vous l'avez toujours? Non, malheureusement. Ah, je l'avais. Il était bien, Monsieur Oiseau. Ah, il était beau. Andy, nous allons écouter Monsieur Oiseau. Et pour ça, vous avez donné 5 euros qu'on ajoute encore à la cagnotte Viva for Life. Petit à petit, on va arriver, je l'espère, à faire exploser le record de l'année dernière, 2 100 000 euros. Si on peut faire plus, ce sera grâce à vous. Entre autres, merci Andy, bonne soirée. Rien, bonne soirée, au revoir. Et juste avant de partir, je vous plais en rousse? Ouais, ça va. Oh, c'est un petit ouais. Vous préféreriez quelle couleur de cheveux, Andy? Je crois que blonde, ça irait mieux. Blonde? Ah bah, je peux aller faire une coloration puisque Josette est coiffeuse. Oui, mais volontiers. Ça serait parfait. On fera petite ça. Petite décoloration à l'oxygène, à l'eau oxygénée, vous allez voir ça. Ah, on sent la professionnelle. Mais oui. Bisous, Andy, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Voici Monsieur Oiseau, Flat Beat. Viva for Life. We'll be right back. Sa petite Gonzalez de Daniel Gérard, ça a été demandé par Axel de Kreinem qui nous a donné 10 euros, et alors qui a rajouté un petit commentaire parce que vous pouvez le faire sur ufolive.be parce qu'elle va faire danser la place à coup sûr. La la la la la la la la. Alors la place, ils sont plus très nombreux à ce heure-ci, mais est-ce que vous dansez un petit peu? Balancez un petit peu vos épaules, hop là, et tiens, il y a quelqu'un à la boîte aux lettres. Bonsoir la boîte aux lettres. Bonsoir Cyril, comment ça va? Ah bah, Stéphane Piedboeuf, dis donc. Mais je vous sentais très seul comme Josette, Josiane. Josette, s'il vous voilà, plaît. Josette. Je ne vous appelle pas Sébastien. Oui, oui. et donc je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, je vais venir manger une frite. Et mais, je vais venir vous voir. Bah, super, hein. Mais la frite, vous la laissez dehors. Ouais. Et quoi, en pleine nuit, vous étiez réveillé comme ça? Vous présentez pas la météo aujourd'hui? Ah non, non, pas aujourd'hui, non. Non, c'est le week-end, monsieur. C'est repos. D'accord. Ouais. Bon, Stéphane, je sens qu'il a envie d'être déguisé. Oh, je sens qu'il a envie de participer à cette soirée cinéma et de montrer lui aussi ses talents d'acteur. On connaît ses talents de météorologue sur la Une. Ah non, c'est pas météorologue. Hein. Mais pas. Oui, enfin, vous présentez la météo. Quoi. Voilà, voilà. Vous nous dites qu'il y a des nuages, il y a de la pluie, c'est pas la même chose. Désolé, monsieur. Oui. Moi aussi, je fais bien ça dans les salons de voiture, on a bien faire la météo. Ah bah, oui, c'est vrai, vous parlez de ça, oui. Oui. Stéphane, vous venez dans le cube? Et vous venez vous montrer vos talents d'acteur? Si Josette est d'accord, hein. Oh, Josette, vous voulez bien? Venez, si Josette est plus, d'accord. Plus on est fou, plus on rit. On n'est jamais trop nombreux. Bah Stéphane, allez-y, la sécurité va vous montrer le chemin. Alors. D'accord. D'accord, il a l'air tout paniqué. La vérité est au bout du couloir, j'arrive. C'est ça. Bon. Damien est là au téléphone. Bonsoir Damien. Bonsoir Chérine. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va bien, Damien de Tournai. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Damien? Ici j'ai coupé le son parce qu'autrement on va avoir un. Bah forcément, un écart. À la télé ça ne va pas, on va avoir un écart et un grand écart. C'est le seul grand écart que je peux faire, c'est celui-là. Parce que sinon le grand écart réel ça ne marche pas. On vous appelle le Jean-Claude Van Damme de la radio. C'est ça. Damien, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je travaille dans une librairie comme infographiste. Dans une librairie comme infographiste? C'est-à-dire c'est vous qui faites vous-même les journaux? Non, en fait, je fais leur publicité. Ah ok, et vous faites ça à tourner? Oui. D'accord, et vous avez des passions à part nous appeler en pleine nuit? À part ça, j'aime bien le sport. Ah, vous faites quoi comme sport? La musique. Il fait le grand écart, il vous l'a dit. Et si vous le faisiez, Cyril? Le grand écart? Mais oui. Bah, vous pouvez vous marrer là. On pourrait essayer. Vous voulez que j'essaie? Oh oui. Alors, est-ce que à la télé ça peut passer si je le fais là où se trouve Teddy? Je préfère poser. Ah ok, d'accord, carrément. Voilà, une petite musique pour vous encourager. Allez Cyril! Je vais tenter, vous pouvez suivre ça en direct en télé sur la une, vous me faites vraiment faire n'importe quoi cette nuit. On va voir si ça fonctionne. Je suis pas souple du tout. Hein. C'est pas grave, hein. Alors, vous allez essayer. Sinon, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous enlevez une chaussure, vous pliez la jambe et vous remettez la chaussure devant. Comme ça, on croit que c'est votre jambe en entier. Attention, hein. Donc, Cyril demande qu'on appelle le médecin. Je pense qu'il a raison. Attendez, Cyril, parce que je ne vois pas d'ici. Et c'est pas mal, Cyril. Faites attention parce que je ne voudrais pas que vous déchiriez quelque chose. J'ai fait mon sport de la semaine. Oh, vous avez bien fait ça, je suis très fière de vous. Ça vous impressionne? Oh oui. Et si vous saviez ce que je peux faire d'autre. Damien, vous avez choisi quelle chanson? Adèle, Hello. Adèle avec Hello. Ah, oh, vous êtes un déprimé? Ah, oh, c'est cool ça. Ok, voici Adèle, Hello. Vous avez donné 20 euros pour l'écouter. C'est pour vous. Bonne soirée sur Vivacité. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Breaking. de Adèle à l'instant sur Vivacité. C'est ce qui a été demandé sur vivaforlife.be. Allez-y, choisissez la musique. On a besoin de vous ce soir. Tous les enfants qui sont sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie, ça en représente 80 000, ont besoin de vous, les amis. Vivaforlife.be pour faire vos dons. Vous choisissez la musique et à partir de 40 euros, on rappelle, c'est déductible fiscalement. Alors, depuis tout à l'heure, grâce à Josette qui est rentrée dans ce cube, je suis déguisé en. À qui je ressemble ? C'est compliqué à dire, hein. Je ne veux pas vous choquer, mais à rien, j'allais le dire. Voilà, c'est ça. Alors, sur Twitter, on nous dit avec le hashtag VivaForLife qu'il faut du maquillage. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Encore faut-il qu'on en trouve, mais c'est une bonne idée. Je suis pas sûr. Alors, on nous dit pauvre Cyril, c'est toujours pour lui les problèmes techniques, je suis rassuré. Alors, il est en bonne compagnie. Alors, on n'a pas eu de problème technique encore ce soir, j'ai l'impression, ou j'ai déjà oublié. On va dire qu'il n'y en a pas eu. Il y a surtout un problème technique d'habillement, là, pour le moment. C'est un problème de vêtements et de look. On est d'accord, Josette, vous avez fait n'importe quoi de moi. Oui, on peut le dire. On peut le dire, vous êtes n'importe quoi. Muriel Luguet qui dit magnifique Cyril. Cyrilette, un nouveau prénom d'ailleurs. Oui, Cyrilette, c'est votre nouveau prénom. Il va falloir vous y habituer parce qu'on va vous appeler comme ça toute la soirée. Hein. Ouais. Donc continuez vos dons et vos commentaires. Les commentaires, c'est sur Twitter, sur Facebook avec le hashtag VivaForLife et puis les dons sur vivaforlife.be. Il y a Stéphane Piedbeuf qui était il y a un instant devant la boîte aux lettres. Et Stéphane qui vient d'arriver dans ce studio. Ça va, Steph ? Ça va bien et toi ? Bah, ça va bien. On le reconnaît à son jingle qui l'accompagne. Oui, c'est ça. Bonjour. C'est le problème, c'est que quand Stéphane arrive chez quelqu'un, il y a toujours une musique qui arrive. À chaque fois, il arrive, il rentre, il y a la musique de la météo. Quel temps il va faire demain ? Il va faire doux. Il va faire doux. Merci, Stéphane. Gros point météo. Mais tu viens d'où comme ça ? Eh ben, je viens de Bruxelles, figure-toi. À chaque fois qu'il parle, la musique tout à l'heure. Je te regardais à la télé tout à l'heure. Oui. Et je me suis dit, mais il est tout seul, le pauvre garçon. Et puis Josette est arrivée déjà. Josette est arrivée. Oui. Arrivée, je suis là et bien là. Vous êtes coiffeuse ? Je suis coiffeuse. Ça ne se voit pas comme ça. Hein. Et là-bas, on ne touche pas les cheveux du coiffeuse. Ça ne se voit pas bien. Hein. Stéphane, oui. Tu sais qu'on est dans une soirée cinéma. Ah oui, que nous tentons de montrer les talents d'acteur de cette équipe. D'accord. Donc, tu vas devoir t'y coller aussi. Très bien. D'accord. Où est le scénario ? Le scénario, on va l'avoir dans un instant. Mais je voudrais juste avant, pour démarrer, que tu nous joues, par exemple, la timidité. Oui, mais il faut dire quelque chose. C'est timide qui parle. C'est vrai, on est tellement timide. Bon, mais c'est vrai qu'un timide, il a peur de parler. Donc c'est ça, ça doit être ça. Est-ce que tu peux nous faire la rage ? La rage ? La rage, genre énervé, quoi. Et on va comparer avec Josette attendez, juste après. C'est quoi ce truc là ? Il y a plus personne qui appelle, il y a plus personne qui fait des dons là. Qu'est-ce qui se passe là sur Vivacité ? C'est une petite rage. Hein, ça. Josette, la rage ? Oh, je suis fâchée, je suis en colère. Oh là là là là là là. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre ? Jean-Pierre ? Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là ? Allô Jean-Pierre. On a perdu le pauvre Jean-Pierre. Est parti. Jean-Pierre, il est de pas très loin, il est de Gerpine. On lui a fait peur. Est-ce qu'il Jean-Pierre, vous nous entendez ? Allô ? Allô Jean-Pierre ? Oui, bonjour. Ah, vous entendez loin, alors on dirait que vous êtes à 2000 km. Eh bien pourtant, on n'est pas très loin de Gerpine, on est sur la place de la Digue ici à Charleroi. Ah ben ouais, je sais. Qu'est-ce que vous avez pensé de Stéphane et de Josette qui ont joué la rage il y a un instant ? Josette, ça va, mais Stéphane, il y a des progrès à faire. Je suis un très très mauvais acteur. Et vous, si vous le faites, Jean-Pierre, ça donne quoi ? Jouez la rage. Quel con ! C'est difficile de jouer la rage en étant pas vulgaire, en fait. Hein. C'est vrai. Jean-Pierre, il y a quelqu'un qui dort chez vous ? Non, je suis seul. Ah, d'un côté, heureusement, parce que sinon vous auriez réveillé tout le monde. Mais vous êtes seul, si vous êtes à Gerpine, venez nous rejoindre. Mais je suis passé tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Ah, bah c'est gentil alors. C'était vous ? Ouais, mais je voulais vous. Moi, c'est ça. J'aurais voulu parler à Sarah, moi. Alors, enfin, bon, c'est pas grave. Bah avec Cyrilette, on va y faire. On va débrouiller. Ça marche aussi. Alors, Sarah, elle fait dodo à cette heure-ci. Enfin, probablement qu'elle l'essaie, hein, avec tout le bruit qu'on est en train de faire. Elle sera là demain à partir de 10h du matin. Mais je lui transmettrai le bisou et puis n'hésitez pas à rappeler Jean-Pierre. Ah oui, bah sans problème, je suis souvent acteur de votre radio, donc il n'y a pas de problème. Ah bah c'est très gentil. Jean-Pierre, vous avez fait un don de combien ? De 40 euros. Qu'on ajoute à la cagnotte du Have for Life, et pour écouter quoi ? Communiqueur d'amour de Rita Mitsuko. Eh bien, nous allons écouter Lerita Mitsuko maintenant sur Vivacité. C'est Viva for Life. Et c'est encore pendant 87 heures 50 minutes. Et juste après, on m'informe que nous allons donner et recevoir des cours de théâtre. Oh, magnifique! C'est la nuit du n'importe quoi. C'était la nuit du cinéma à la base, mais je pense que ça part totalement en vrille. Vous commentez cette soirée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag Viva for Life. Et vous choisissez la musique. Vivaforlife.be, on s'amuse, mais on pense aux enfants et on fait des dons. Il faut faire exploser ce compteur cette année. Merci Ingrid de Braine-le-Château qui a décidé d'écouter Muse et qui en plus a fait un beau don de 50€ pour écouter Muse. C'est super gentil. Et si vous aussi ce soir vous avez envie de partager cette musique qui est en vous, la musique a du cœur et on la partage ensemble. En ce qui me concerne, jusqu'à 6h, c'est Sébastien qui prendra le relais après et on va se relayer avec Sébastien et Sarah encore pendant 87h43. On a besoin de vous pour choisir la musique et faire des dons pour soutenir les enfants 1 sur 4 qui vivent dans la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Vivaforlife.be pour choisir la musique ce soir. Demain, il y aura le call center qui sera à nouveau ouvert. Pour le moment, tous les bénévoles se reposent un petit peu pendant la nuit. Il faut bien de temps en temps. Donc, il reste vivaforlife.be pour faire vos dons ou alors les SMS. Si vous n'avez pas de musique à partager, c'est possible. On vous en veut pas. Vous le faites par SMS. C'est gratuit aussi au 4001. Numéro gratuit. Et vous envoyez votre numéro de compte, un espace, et vous ajoutez le montant que vous voulez donner à Vivaforlife 4001. Allez-y, on vous attend. Il y a Josette qui est avec moi ce soir. Oui, il y a bonsoir. Stéphane Piedbeuf qui présente la météo sur la une, qui est arrivé aussi, qui a débarqué en pleine nuit, c'est super sympa. Stéphane, si j'allume pas ton micro, ça va pas aller. Voilà. Ouais, c'est grâce à Josette que je suis venu. Hein. Ah mais tu l'as vu à la télé, tu t'es dit ouais, cette femme elle est pour moi. Enfin non, j'aime bien les coiffeuses, elles sont sympas. Je vous ai inspiré. Oui, vous m'avez inspiré, Josette. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Le courant passe entre nous. Je pense aussi, Josette. Attention. Mais ce ne sera l'histoire que d'une nuit. Stéphane. On sait déjà ça, vous savez, pour ce qui est pris n'est plus à prendre. De Vivaforlife. Là, mais tu viens de dire, ok, c'est juste pour une nuit, ça n'a pas l'air de te décourager, Josette. Stéphane. Mais c'est une nuit pour la générosité. On est dans une soirée cinéma. Oui. Je propose que pour tous ceux qui nous écoutent et pour tous ceux qui sont en train de nous regarder sur la une, que tu joues une scène d'amour avec Josette. Un plan drague, quelque chose. Le feeling est en train de passer et tu essaies de conquérir le petit cœur de Josette. Josette. Oui. Tu veux manger chinois ou chez moi ? Le ringard. Ça a déjà marché, ça, dans la vie ? Non. Non, c'est dans un sketch des inconnus. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là. On va te déguiser dans quelques minutes. D'accord. D'accord, parce que c'est le concept, quand on est acteur, il faut souvent se mettre dans la peau d'un personnage. Et surtout, oui, je voulais m'adresser, si je peux, hein, à toutes les personnes qui bossent la nuit, parce qu'il y en a plein qui travaillent la nuit. Oui. En plus, la nuit du samedi au dimanche, il y a tous les chauffeurs de taxi, il y a tous les gens qui sont dans les restaurants, qui sont en train de faire la caisse, qui sont en train de fermer. Et vous avez une chance énorme, c'est que vous pouvez choisir la musique que vous voulez. Donc, c'est terrible quand on termine le boulot de se dire ah, allez, j'aurais. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Et là, visiblement, sur vivaforlife.be, on peut choisir les disques qu'on aime. Et tout est n'importe quoi. Hein. Mais vraiment tout est n'importe quoi. Et donc, ça peut partir dans tous les sens. Franchement, vous avez de la chance. Donc, faites-nous rêver ce soir. Allez sur vivaforlife.be, cliquez sur faire un don. Exactement. C'est à partir c'est comme ça que ça marche. De 10€ et vous pouvez choisir la musique. Et vous pourrez l'entendre. Vous pourrez l'entendre dans la voiture pour rentrer à la maison. Bah oui, et par exemple, vous pouvez choisir ça. Bah, c'est bien ça. Ah ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous pouvez aussi choisir ça. Au chaud de la Saint, les petits pains au chocolat, hein, parce que les boulangers sont à l'écoute aussi. Ah oui, pour le matin, ça c'est voilà. Pas mal. Vous choisissez ce que vous voulez et il y a quelqu'un au téléphone qui a choisi une musique. Nous allons savoir laquelle tout de suite. C'est Marjorie qui est là. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Cyril. Comment ça va ? Cyrillette, hein, s'il vous plaît. J'ai changé de nom depuis tout à l'heure. Ah oui, Cyrillette. Grâce. Poudre à essiver, ça. Si vous voulez, pourquoi pas. On peut. Alors, on m'a déguisé en femme. Si vous voulez me mettre un gros carton autour et me déguiser en paquet de poudre à essiver, je peux tout faire. Je suis votre homme cette nuit ou votre femme. Je sais pas ce qu'on doit dire finalement dans cet état-là. Hein. Vous avez un problème d'identité. Hein. Oui, je ne sais plus qui je suis. Hein. Par la fatigue aider. Et grâce à votre costume que vous m'avez mis ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Ingrid ? Non, c'est pas Ingrid, Marjorie. Pardon. Non, c'est Marjorie. Hein. Marjorie Ingrid. C'est Marjorie, on est désolé depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de faire ça pour peu, il vous appelait Jacqueline. Marjorie. Je vais l'appeler Jean-Jacques, alors. Bonjour Jean-Jacques, ça va très bien. Eh, vous avez vu l'état dans lequel je suis ? Oh, je suis plus à ça oui, près. Oui, appelez-moi Jean-Jacques si vous voulez. Et pour suivre les images, vous pouvez le faire sur la une en télé, en direct jusque demain matin. Et puis sur vivaforlife.be, il y a le streaming 24h sur 24. Et donc, vous êtes là pour quoi ? Qu'est-ce qui vous amène, Marjorie ? Eh bien voilà, j'ai envie de trouver une chanson de Cœur de Pirate. Ouais. Ça s'appelle Comme des enfants. Parce que comme j'ai mis dans mon petit message, en cette période de fête, je trouve que. Déjà, aucun enfant ne devrait perdre son sourire, que ce soit à cause de la pauvreté, à cause de l'éloignement, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une période où on devrait tout le temps trouver un sourire sur le visage d'un enfant. Donc voilà, je pense à tous les parents, à tous les, notamment à vous les animateurs dans le cube, à tous les collaborateurs derrière qui sont aussi éloignés de leur famille, etc. Ils sont nombreux à bosser énormément. Voilà, donc voilà, gros bisous à eux et je pense aussi voilà, à toutes vos familles qui sont pas tout près de vous. Et voilà, je voulais vous soutenir un petit peu en mettant un titre... comme celui de Cœur de Pirate, en tout cas. Et vous parlez des sourires des enfants, je vais vous parler d'une petite expérience. C'est que pour préparer Viva for Life, Sarah et Sébastien et moi, on est tous allés dans une famille différente. Et dans la famille où je suis allé, justement, il était question des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire. Vous savez que la pauvreté, c'est aussi parfois ne pas pouvoir faire un cadeau à ses enfants. Et Eddie, le papa de la famille où je suis allé, Eddie et Cindy, les parents, parfois ne mangent pas le soir, sautent des repas pour pouvoir justement faire plaisir à leurs enfants. Et le tournage, on est allé le faire il y a quelques semaines chez eux. C'était, je pense, même en octobre qu'on est allé tourner. Ils commençaient déjà à économiser pour que le Père Noël puisse apporter des cadeaux aux enfants. Et c'est des repas parfois qui sont sautés, c'est des repas qui sont pas complets pour que les enfants puissent être épanouis. C'est pas normal. Et ces enfants-là ont des étoiles dans les yeux. Ils sont hyper heureux, ils sont pas conscients de ce qui se passe, mais c'est pas normal. Et donc, c'est très gentil, Marjorie, d'être venue ce soir et d'avoir fait un don pour ses enfants qui le méritent vraiment. Alors je parle de la famille de Eddie et Cindy, mais il y en a tellement d'autres qui en ont besoin, 80 000 à Bruxelles et en Wallonie. Donc merci à vous, Marjorie, on vous fait un énorme bisou parce que vous avez un gros cœur. Merci, c'est gentil. À bientôt, Marjorie. À bientôt. Et si vous voulez faire comme elle, parce qu'il y a les enfants qui ont besoin de vous, vous pouvez. Pourquoi est-ce qu'il y a des jingles Pure FM en ce moment? Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est très gentil, merci. On salue nos amis de Pure FM. Vous pouvez vous aussi choisir la musique. VivaForLife.be. Voici Cœur de Pirate comme des enfants. C'est d'abandonner car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer. À part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement. C'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire c'est plus facile de rêver. In get older. I'm getting old, the competition is waning. I got the girl in a silver lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the left and right to fight. MCs, it's time for wind clipping. I fly like a hawk, I'm Betty and an eagle. A seagull slips something's out like a bugle. My ego is off and running and gone, cause I'm about the best, and if you're best, then that's wrong. We got a party on the left, a party on the right. We got a party for the motherfucker, right to fight. Ça a été demandé par Laurent de Liège qui a donné une belle somme. C'est, vous êtes super généreux cette nuit. 50 euros pour écouter ce titre-là. Merci beaucoup, Laurent. Vous continuez à choisir la musique que vous avez envie de partager parce qu'elle a du cœur, cette musique. Et pour la partager, il suffit de faire un don sur vivaforlife.be. Vous choisissez la musique que vous avez envie et ça peut être n'importe quelle musique. Attention, il est 3h44 et j'ai un défi à proposer aux auditeurs. Oula, comme vous dites, Josette. Oui. Alors votre micro est à nouveau en panne, je pense. Prenez, c'est pas grave, prenez le micro qui est juste à côté, on a un problème avec ce micro là-bas. Voilà. Donc, on a un défi à lancer aux auditeurs, tout à fait. Aux téléspectateurs aussi, puisqu'on peut nous suivre sur la UD aussi. Exactement. Hein. Eh bien, nous avons besoin de maquillage. Oui. Parce que ça réclame sur Twitter. Hein. Oui, voilà. Donc, on veut en fait faire une petite leçon de cinéma. Qui dit cinéma dit costume, nous les avons. Qui dit cinéma dit aussi maquillage. La coiffure, je m'en charge, puisque je vous rappelle que je suis coiffeuse. Donc, oui. Il n'y aura pas de souci. Mais donc, nous avons besoin de maquillage. Si vous avez des rouges à lèvres, du blush, du fard à paupières, du rimmel, eh bien, vous pouvez amener tout ça à place de la digue. En plus, c'est facile, ça rentre facilement dans notre boîte aux lettres, hein, à côté des dons, on pourra faire ça. Et comme ça, nous pourrons maquiller, vous, par exemple, Cyrillette. Cyrillette. Je cherchais votre nom, c'est Cyrillette. Mon nouveau prénom, voilà, c'est Cyrillette, effectivement. Ouais. Et Stéphane, on pourra aussi vous maquiller, puisque vous allez aussi faire une petite scène de D'accord. cinéma, oh puisque là là. C'était mon rêve de transmettre ma passion. Je pense que je vais faire ça avec vous. C'est Charles Roux d'aujourd'hui, si je comprends bien. La façon dont vous êtes en train de passer cette annonce, j'ai l'impression que c'est Marc-Emmanuel et qu'on est dans Tous Ensemble. Il y a une famille, nous avons besoin d'aide. Tous ensemble, on peut le faire. Aidez cette famille! Et apporter du maquillage. Et quoique, on est quasiment dans le même état d'esprit. Il y a autant de travaux à faire sur nos faces que sur une maison de tous ensemble. Hein. Ah oui, c'est un ravalement de façade. Hein. Alors, vous avez du maquillage. Ça peut être donc du rouge à lèvres, de la poudre, du fond de teint, n'importe quoi. Pas trop quand même. Hein. Pourquoi vous avez déjà peur? Un petit peu quand même, oui. Ah bah écoutez, pour les caméras, il faut mettre beaucoup de maquillage hein, parce que ça ne se voit pas toujours au cinéma, très bien. C'est important. Donc, donc n'hésitez pas, apportez-nous ça. Place de la Digue à Charleroi. On a jusqu'à 6h du matin pour apporter ce maquillage. Donc si vous êtes dans le coin, dépêchez-vous de venir. Faites-nous un petit coucou. Même si c'est des restes de maquillage, même si c'est du vieux maquillage qui traîne chez vous. Oui, on n'est pas difficile. Voilà, c'est un appel au don esthétique. Au pire, vous avez de la peinture. On prend. Oui. De la gouache alors. Attention, hein, oui, c'est ça. On va quand même pas prendre tant que vous y êtes. Dites démarquera des débiles. Mais pourquoi pas, sérieusement, on prend. Donc, place de la Digue à Charleroi. Vous venez nous faire un petit coucou, vous nous apportez les restes de maquillage. Il y a justement des demoiselles qui sont arrivées sur la place. Vous avez du maquillage dans votre sac? Les filles ont toujours du maquillage. Très beau torse, monsieur. Il va falloir aller faire un petit peu de sport. Je vais venir avec toi parce que j'ai le même problème, mais plus que toi d'ailleurs. Place de la Digue à Charleroi, vous venez apporter du maquillage et on fera ça dans quelques minutes dès que vous arrivez. C'est l'opération Make-up for Cyrilette. Exactement. On va déguiser Stéphane Piedbeuf aussi dans un instant, mais juste avant, quelqu'un est avec nous au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est pour du maquillage, monsieur? Ah non, ça par contre, ça va être un peu compliqué. C'est peut-être pour une pizza alors? Non plus. Non? Qu'est-ce que vous voulez manger? Bon ben, à cette heure-ci, pas grand-chose. Pas grand-chose, ça tombe bien parce qu'on n'a plus rien. Ici, on n'a que du liquide. On a éventuellement de la soupe d'hier. On a de l'eau et un vieux milkshake tout chaud. Ça vous va? Non, ça ira, merci. Non, ben voilà. Et bien, vous savez quoi, je pense la même chose que vous. Donc, depuis tout à l'heure, je n'ai rien pris si ce n'est un petit lait chocolaté. Attends, il y a les croquettes du chat aussi. Oui, mais on n'a pas le droit de manger solide, donc les croquettes, on ne peut pas y toucher. Non, mais. Ben, on les met dans le milkshake, on met lui, dans le. Lui, il peut. Le chat peut. Il est parti faire dodo d'ailleurs, notre chat Cubi. Alors, Eric, qu'est-ce qui. C'est Eric hein, qui est là au téléphone? Oui, c'est ça. Oui, Eric, vous êtes de quelle région? Alors, de province de Luxembourg, tout dans le sud, Saint-Léger, à Dardan. Ouais. Et vous avez envie d'écouter quoi? Imagine de John Lennon. Et alors, pourquoi vous avez choisi cette chanson, Eric? Bah, parce qu'elle symbolise beaucoup de choses, et, surtout avec les événements actuels, et puis même par rapport aux enfants. Se dire qu'en 2015, encore des enfants n'ont pas le droit au bonheur, c'est quand même très grave, je trouve. Ben c'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. On va écouter cette chanson de John Lennon, Imagine, pour respecter la demande que vous avez faite. Et vous avez fait un don de combien, Eric? 10 €. On les ajoute à la cagnotte Via for Life. Merci beaucoup, Eric. Bonne nuit. Merci également. John Lennon, Imagine. Et on revient dans un instant, on déguise Stéphane Piedbeuf. I wonder if you can. No need for grief. À 6h avec Cyril. Dire ça, mais j'ai l'impression que cette chanson parle un peu de moi aujourd'hui. On peut le dire. En rouge et noir de Jeanne Masse. Je suis en rouge et noir, si vous le suivez en télé, vous le voyez, avec une robe et une perruque orange, grâce à Josette. Splendide robe. C'est magnifique, hein. Oui. Ça vous fait plaisir? Oh, ça me fait du... Ça... J'ai bon. C'est bah, carrément, c'est Elisabeth de Molenbeek-Saint-Jean qui a donné 5 euros pour écouter ce titre. Merci à vous. Dans un instant, on écoutera une nouvelle musique. Vous nous dites sur viaforlife.be en faisant un don la chanson que vous avez envie d'écouter. Alors, juste avant de faire le défi cinéma, il y a des messages sur Twitter qui demandent où est passé notre chat Cubi. Je vais vous montrer où est Cubi. Cubi, en pleine nuit à 3h56, il est en train de faire dodo sous la table de mixage. Alors, je sais, voilà, je vous le montre sur la une. En télé et sur le live center rtbf.be, il est complètement endormi, étalé de tout son long sous la console, sous le meuble que vous voyez au milieu du cube. Donc, on va pas faire trop de bruit parce qu'il va se réveiller après. D'accord. Oui, d'accord. Il risque d'être fâché. Bon, sinon on a habillé Stéphane Piedbeuf qui est magnifique, on dirait un Bee Gees. Je suis un autre homme. Donc, alors je vais décrire un petit peu sa toilette. Hein. Il a une magnifique veste avec des strass jaunes. Une coiffure vert, parce que vert j'espère. Ah bah et puis oui. Des très jolies lunettes à paillettes. Il est magnifique avec oui. Ça, Stéphane. Et alors maintenant qu'on est tous juste, les deux. Il manque juste le maquillage. Donc on rappelle que vous êtes les bienvenus ici, place de la Digue à Charleroi, avec tout maquillage, tout reste de maquillage. Des vieux rouges à lèvres, bizarre. N'importe quoi. Et on vous les rend après, bien sûr. Oui. Si vous voulez les récupérer. Donc le cube Via For Life se trouve sur la place de la Digue à Charleroi. Venez nous faire un petit coucou cette nuit en nous rapportant vos restes de maquillage. Alors maintenant qu'on est tous les deux habillés, qu'est-ce qu'on peut faire, Josette ? Eh bien, je vous propose donc, pour vous transmettre ma passion du cinéma, je vous propose de jouer une petite scène. Ouais. Alors, je vous ai préparé un petit texte. D'accord. Vous l'avez aussi ? J'ai reçu voilà, le texte. Vous l'avez parfait. Déjà. Voilà, je pense que Stéphane, vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, Actor Studio, donc c'est une méthode utilisée par les plus grands comédiens, hein, c'est de vivre vraiment ce que intensément l'on joue. La scène, hein, intensément. Ouais. Donc, si vous devez avoir mal, eh bien, tranchez-vous vraiment la main, vous aurez mal. Vous comprenez un petit peu ce ouais, que bien je sûr. Dis. On voit le concept. Donc, alors, qui joue ici, qui ? Ici, alors, vous allez jouer Cara, Cyril. Cara, donc c'est une femme. Oui. Et Stéphane, vous allez jouer Simon. Il y a donc dans cette scène de la Cité de la Peur, donc un très très grand film. Que je n'ai même pas vu. Ce n'est pas grave, on fera comme si. Donc il y a Cara et Simon qui font une très jolie scène et je vous propose de la jouer tout de suite. Alors, donc je prends une voix de femme. Oui, si possible. C'est quand même étrange les lettres que laisse le tueur, hein ? ODI. Et maintenant elle, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Lido ? Ça doit être une danseuse, non ? Tu me passes les tripes, s'il te plaît. Mais j'ai remarqué quelque chose à propos des meurtres. J'ai même une théorie là-dessus. Tu me passes le sucre ? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Mais c'est Mariam, c'est Madame Chapeau. Quoi ? On dirait Madame Chapeau. Vous connaissez Madame Chapeau ? Je connais Madame Chapeau, mais eh bien, ce n'est pas moi. Vous avez sa voix. Je vous laisse poursuivre, partout. Je vous ai interrompu. Mais il y a Odile, c'est vous Odile ? Pardon ? Je crois que nous avons affaire à un serial killer. À quoi ? Un quoi ? Un serial killer ! Merde ! Hein ? Un serial killer ! Un tueur en série ! Vous êtes sûr ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah ! Un serial killer ! C'est ce que je viens de dire, nom de Dieu ! C'était magnifique. On est engagé ? Je trouve que vous avez très très bien fait ça. Vous allez pouvoir nous donner une cote sur Twitter, sur Facebook, avec le hashtag VIA4LIFE. Josette, vous, oui. En tant qu'experte du cinéma déjà, est-ce que vous pouvez donner votre cote ? Alors, vous m'avez fait vibrer, vous m'avez fait frissonner tous les deux. Il faut donner une pour chacun ? 21 sur oui. 20. Alors, Stéphane, première cote pour Stéphane. Oh, Stéphane, je trouve qu'il a vraiment vécu ça à fond. Je dirais, allez, sur 10... 7,5. Et rapidement, une cote pour moi ? Oh, 8. 8 ? C'est tout ? Je me suis donné à fond, j'ai 8 ! Allez, 8, 8,5. Je vais partir, je suis dégoûté. Viva for Life, avec nos partenaires. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Merci de nous écouter, il est 4h. Laura Noitecamp avec vous, bonjour à tous. Jour d'élection ce dimanche en Espagne, des élections législatives sur fond de crise. Chômage à 21%, pauvreté budgétaire, c'est un gros ras-le-bol du peuple espagnol. L'impact en termes de santé publique commence à se faire sentir. Baisse de l'espérance de vie, nombre de suicides en hausse et un accès aux soins plus limité. Les Espagnols veulent un renouveau politique. Le PP du Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, est en tête dans les sondages. Mais le scrutin s'annonce très indécis avec l'émergence de nouvelles formations. La crise au Burundi s'amplifie d'heure en heure. Aujourd'hui, l'Union africaine a annoncé l'envoi d'une mission de 5000 hommes pour tenter de stopper les violences dans le pays. Il est peu probable que les autorités burundaises acceptent un déploiement étranger sur leur sol. En cas de refus, l'Union prendra des mesures supplémentaires. Ce déploiement aura pour objectif d'éviter la détérioration de la situation sécuritaire et de contribuer à la protection des populations civiles en danger immédiat. Le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat jugé contraire à la Constitution. Chez nous, plusieurs centaines de Kurdes se sont réunis dans les rues de Liège ce samedi. Les Kurdes sont originaires d'Irak, de Turquie et de Syrie. En Belgique, c'est plus de 5000 personnes. Hier, ils ont défilé contre l'État islamique, contre lequel ils se battent depuis des mois, mais aussi pour dénoncer la répression qu'ils subissent du gouvernement d'Istanbul. Les manifestants demandaient une solidarité du peuple européen envers la communauté kurde. On passe au sport à présent avec une soirée de gala plutôt réussie pour Kevin De Bruyne. Il a été élu sportif de l'année 2015. C'est la boxeuse Delphine Persson qui remporte le titre féminin. Et puis en football, Charleroi s'est incliné 2-1 face à Westerlo, dernier du classement. Les Carolos voient le top 6 s'éloigner. Moucron-Péroué a été battu 0-1 par Westland Beveren, un autre adversaire direct dans le bas du classement. OHL a fait 3-1 face à Malines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous à 5h. Belle nuit à notre écoute. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha, c'est tout. Natacha, Natacha. Viva for Life. Viva for Life. Avec Cyril. T'as parlé, Natacha. Vous le tenez bien. Natacha. Il y a quelqu'un à la boîte aux lettres en direct de la place de la Digue à Charleroi à 4h03. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles Natacha ? Ben peut-être pas, non, mais je ne suis pas entendu non plus. Comment tu t'appelles ? Ben Manu, je suis bienvenu hier en fait. Ah, mais oui, c'est vrai, Manu. Et comment ça va depuis hier ? Ça va. Pas fatigué, parce qu'on a dormi beaucoup. Je me suis levé à 17h, ouais. Comme tous les fainéants. Parle un peu plus près du micro. Pardon, embrasse la vitre. Roule une pelle à la vitre. Ben peut-être. Non, il y a peut-être des microbes là-dessus, non ? Ben, on partage. Ouais, peut-être pas. Les microbes ont du cœur, partageons-les. Faut que j'évite, c'est Noël, faut que je sois en forme. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'amène ce soir, Manu ? Ben, en fait, je me suis dit que j'allais venir ici plus ou moins tous les jours à la même heure. D'accord. Donner des sous. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui s'est toujours privée pour moi, qui se prive encore pour que je puisse bientôt aller à l'université, etc. D'accord. Même si c'est pas tous les jours facile et c'est... La fin du mois, c'est souvent difficile, mais elle se prive pour moi quand même. Parfois, même de sortir ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est bien que vous faites des actions comme ça. J'ai oublié de le dire hier, parce que y a des gens qui auront de la chance par rapport à ça, parce que vous allez leur donner des sous et c'est bien pour eux. Et même si j'ai pas spécialement grand-chose, je suis pas riche, mais je pense que partager, c'est la base de la vie plutôt que de l'argent ou toutes les autres conneries qu'on peut trouver. Même bon, enfin, voilà ça. Quand tu dis que ta maman se prive, alors aujourd'hui, tu as quel âge là maintenant ? 20 ans. T'as 20 ans. T'as des souvenirs de quand tu étais petit, que ta maman se privait ? Elle t'a raconté des choses ? Ouais, quand même, ouais. Et tu peux nous en parler ? T'as un exemple, par exemple ? Bah, je sais bien que quand j'étais petit, ma mère, elle sortait jamais avec ses amis. Elle voulait pas parce que déjà, j'ai grandi sans mon père. Il s'est barré, mais je l'ai jamais connu en fait. Et donc bah voilà, je vais pas dire que j'ai eu la vie difficile, mais ça aurait pu être pire, j'aurais pu être sans abri ou un truc comme ça. Mais ouais, quand j'étais gamin, ma mère elle se privait toujours pour m'acheter des majorettes, parce que j'adore les voitures, et elle se privait pour m'acheter des majorettes au magasin. Même des fois, quand j'étais petit, quand c'était vraiment dur, elle s'est privée de faire un peu de manger. J'achetais un peu des trucs simples pour elle et moi, parce qu'il y a des trucs que je peux pas manger parce que j'ai des allergies, elle s'en fout. Elle préférait acheter des trucs super chers pour moi et elle se privait. C'est un peu être gâté, quoi. Comment elle s'appelle ta maman ? Tu l'avais dit hier. Isabelle. Isabelle. Eh ben, des mamans comme Isabelle, il y en a beaucoup. Et c'est des associations qui permettent de les aider, les mamans comme ta maman. Alors il y a quelques années ça existait moins, aujourd'hui c'est vrai qu'on met un gros coup de projecteur et on a reçu plus de 140 appels à projets cette année pour Viva for Life. Il faut aider ces mamans, c'est vrai que souvent c'est des mamans qui sont toutes seules, c'est parfois suite à une rupture amoureuse qu'on se retrouve dans des difficultés, et tu en es l'exemple, Manu, et grâce à des parents comme ta maman, ben on s'en sort, et ta maman qui s'est battue pour toi, pour que tu sois pas exclu socialement, parce que c'est ça, je suppose que t'allais à l'école, que t'as fait les activités parascolaires qui coûtaient de l'argent grâce à ta maman qui se privait pour toi, quoi. Bien sûr, puis elle m'a acheté plein de bouquins aussi. Pour ça, que tu puisses justement te cultiver, ouais, et apprendre plein de choses. Ça c'est la base, parce que c'est surtout bien, parce que ici l'argent, c'est, évidemment ça va, enfin, je sais pas où il va aller, mais je suppose qu'il va aller dans de bonnes mains. Exactement, mais ça va aider pas mal de gens à pouvoir se cultiver et à pouvoir avoir accès aux études, je suppose, et ça c'est important, parce que si on n'aide pas les jeunes à avoir accès aux études, ben après on se retrouve, on n'a plus d'avenir, quoi. Bah, c'est un très beau témoignage, Manu. Merci pour ta venue en pleine nuit. Merci pour ton histoire que tu viens de partager. Ta maman est en train de regarder ou écouter la radio, là ? Bah, en fait, là, elle regarde la TV, je crois. Je suis pas sûr, elle s'est peut-être endormie, mais je pense qu'elle regarde la TV. Eh bah, Isabelle, si vous n'êtes pas encore endormie, on vous fait un énorme bisou. Mais vraiment, parce que c'est ça qu'il faut, Manu, aujourd'hui. Je pense que ton message, il est très beau pour ta maman. Si elle te voit, je suis sûr qu'elle est hyper touchée. Nous, on l'est, en tout cas. Enfin, moi, je le suis par ton message. Et je crois que tu peux dire à ta maman que tu l'aimes. Bah oui, je t'aime, maman. Mais merci. Je ne dis pas assez. Bah ça aussi, c'est un truc qu'on ne dit pas assez souvent. Bah merci, Manu. Et j'ai juste un truc à dire, j'espère. Enfin, comme ça, elle pourra témoigner à ma grand-mère. Je sors beaucoup. Mais je bois jamais. En fait, moi, j'ai peur que mes copains ils se blessent. Donc moi, je fais le bob. Et là, aujourd'hui, je suis pas où est la caméra. Mais elle est sur toi, la caméra. Super. Mais j'ai eu un porte-clés bob. Je me suis fait contrôler. J'ai eu un porte-clés bob. Comme ça, tout le monde sait bien que je bois pas. Ah bah c'est nickel. Et surtout en cette période de fête, c'est important d'avoir toujours un bob. Mais tu m'as l'air d'être quelqu'un de vachement bien, Manu. Merci. Et tu reviens demain, alors? Ouais, demain. Plus ou moins vers la même heure. Et si tu continues à raconter des trucs comme ça, tu vas nous faire chialer dans cette émission. Désolé. Merci, Manu. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, bonne continuation. Et aider les familles comme celle de Manu. Alors, la maman Isabelle se bat pour lui, mais il y a des mamans qui ont beau se battre, elles ne s'en sortent pas et elles ont besoin de vos dons. VivaForLife.be pour choisir la musique et pour mettre un petit montant ou un gros montant si vous avez envie. C'est des associations qui sont là tout au long de l'année et qui se défoncent. Nous, on est là pendant une semaine, mais les associations sont là vraiment toute l'année auprès de ces familles, et c'est tout à fait transparent. Manu disait, je sais pas où va l'argent. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur vivaforlife.be. On est totalement transparent. Les 2 100 000 euros de l'année dernière sont redistribués aux associations et vous pouvez tout retrouver en ligne. Et justement, cette année, de l'argent qui va rentrer dans cette cagnotte grâce à Vanessa et Simon, c'est 55 euros. Ils ont choisi d'écouter Opus, Life is Life. On va écouter Opus. Et puis après ce moment d'émotion, on va se remettre à sourire, on va se remettre à chanter, à danser sur Opus pour que Cyril, Stéphane et Josette se déchaînent en levant les mains haut haut haut jusqu'aux chambres de Sarah et Sébastien. Sortez-les du lit, c'est le message de Vanessa et Simon. Et bah pour vous, on va le faire, les amis. Viva for Life. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. C'est à peu près ça qu'il dit. Hein. C'est You Glory, ça? Alors, c'est pas You Glory, c'est Pogues, Dirty Old Town à l'instant, qui a été demandé par Christophe de Hattu et qui a donné 50 euros. Merci Christophe. Et alors, il nous a ajouté un petit commentaire en disant souvenir de jeunesse avec des amis. Et puis, c'est un groupe merveilleux, j'ai eu l'occasion de les voir. Waouh! Christophe, merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez envie de partager la musique qui a du cœur, eh bien, vous le faites sur viaforlife.be. Vous faites vos dons et on écoute vos chansons préférées ce soir, cette nuit et encore pendant 86h57 minutes et 33. Seconde, Josette, oui. Est-ce que vous avez... Excusez-moi, je vais interviewer. Mais faites à votre aise, vous souhaits, êtes chez Cyril. Vous, Cyril, hein. Ça va mieux. Je crois que c'est Cubi. Je commence à être allergique à Cubi. Oula, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, écoutez, comme c'est une soirée cinéma, ouais. On a abordé à peu près tous les grands thèmes de l'émotion du cinéma. Il y a une chose que nous n'avons pas abordée, qui pourtant, ben voilà, ça fait partie aussi du cinéma. C'est les films de, enfin les films X. Vous comprenez? Je ne vois pas ce que c'est. Mais si, les films de boules. De pétanque. Non, les films un peu olé olé quoi. Olé, sur enfin, la corrida. Les films porno. Je ne connais pas. Si, Stéphane, ça. Vous connaissez? J'ai pas le décodeur. J'ai pas le décodeur. Tu n'as pas pris l'abonnement. Alors, ce sera donc un petit moment cinéma X et je vous propose surtout d'écouter une sorte de hit parade de ce qui aurait pu servir comme D'accord. musique de film. Donc c'est un peu notre classement, notre tip top sex. Mais est-ce que... carrément. Vous êtes des fous. Alors, je vous. Est-ce que les enfants. Non, à cette heure-ci, il n'y a pas trop d'enfants. Non, et d'ailleurs, est-ce qu'on doit rajouter un moins de 16, moins de 18 à la télé? Oh, moi, je dirais même moins de 12. Moins de 12, d'accord. Bon, éloignez les plus jeunes de la télé. Non, qu'est-ce que je dis? C'est dans l'autre sens que ça va. Je dirais moins 25. Moins 25? Oui, je pense que ça vaut mieux. Je pense que ça vaut mieux. On doit éloigner les enfants de la télé s'il y en a ou pas? Oui, ce serait peut-être bien. Oui, avant d'avoir des problèmes avec le CSA. Voilà, et de la radio aussi. Donc, on va les. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que. Oui. Le CSA nous oblige de l'écrire. Ah, donc vous allez faire un petit moins 18. Moins. Hein. Vous faites moins 18, comme ça on est tranquille. On est tranquille, comme on dit à Lily. Comme ça, on le voit, le moins 18, éloigner les plus jeunes. On vous écoute pour la suite. Moins alors. 18, c'est parfait. Mais écoutez, puisque c'est un classement, on va faire le compte à rebours, donc le 3 d'abord. Hein. Numéro 3. Tip Top, numéro 3. Je suis une grosse folle. Je vais me prendre dans mon cul. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ça existe ça? C'est un morceau qui est passé sur les ondes. Effectivement, on ne l'a pas entendu partout et pas beaucoup, mais c'est un morceau qui est passé sur les ondes. Voilà. C'est un morceau de la voix donc. Non, ce n'est pas. Mais là, non, c'est vrai que la voix est ensemble. C'est un vrai morceau. Pour ce classement, nous n'avons rien inventé. Nous avons pris des chansons qui existent, qui ont été diffusées à la radio pour de vrai. On va continuer ce classement dans un instant. Nous irons à la boîte aux lettres dans quelques petites secondes. On avance d'abord dans le classement. Après le numéro 3, je vous propose d'écouter le numéro 2 de ces films qui auraient pu. Parfait. Tip Top, numéro 2. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, carrément. L'élégance et la fraîcheur de Placebo. Donc, c'est un vrai groupe, de nouveau, qui a vraiment chanté cette chanson, qui la chante en concert, d'ailleurs. C'est le remix de Embrasse-moi, idiot, ça, c'est ça. C'est ça. Oh, ça ressemble. Hein, Baxter. Ça Embrasse-moi. Mais non, je vais pas répéter cette phrase. Vous pouvez pas le dire. Elle va être isolée voilà. Après. Eux, ils peuvent, mais vous ne pouvez pas. Et après, le numéro 2, bien évidemment, le gagnant cette semaine. Tip Top, numéro 1. Dernier temps. Je la trouvais un peu molle. Elle était pas très dynamique. Disons qu'elle me répondait plus. Elle, c'est ma bite. Eh ouais. Vous pensiez que j'allais vous parler d'un placement financier ou d'une assurance? Eh ben non, je parle de ma bite. Ma bite. C'est un truc qui vient de cartonner sur les réseaux sociaux, ça. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, c'est pour ça qu'on écarte un petit peu les enfants. C'est hein. Mais ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui existe aussi. Nous n'avons rien inventé. Est-ce qu'il y a moyen de se faire virer quand on est dans le cube? On a un petit peu hésité avant de passer tout ça, et puis on s'est dit bon, ma foi, il n'est pas très tard. Monsieur le directeur, si vous nous regardez... On vous embrasse. Allez, désolé. Et les amis du CSA également. Mais on avait mis le moins 18 ans. Et il paraît que le directeur écoute. Peut-être qu'il est fan de ces chansons-là. Salut Francis. On va aller du côté de la boîte aux lettres. Merci pour ce Tip Top. Je pense à Philippe Jonio aussi qui présente le Tip Top La Quotidienne tous les soirs et qui doit se dire mais qu'est-ce qu'on fait de mon émission. Et Thomas Loridez aussi qui présente le week-end. La boîte aux lettres, il y a du monde à cette boîte aux lettres. Bonsoir les amis. Bonsoir à vous. Comment ça va? Très bien. On revient de soirée? On revient d'un petit combat de boxe. Un petit. Ah oui, c'était au Spiroudôme ce soir. Et alors, qui a gagné? Il y en a beaucoup qui ont gagné. Oui, ah, c'était plusieurs matchs. Ah, je pensais qu'il y en avait qu'un. Je suis pas expert en boxe. Nous non plus, tu sais. Et vous avez passé une bonne soirée, c'était bien? Très bien. Très bien. D'accord. Il n'y a pas eu de bagarre, à part sur le ring. Sur le ring. Oui. Mais uniquement sportif. D'accord. C'est très bien. Oui, le chat est là. Cubi, notre chat. Et oui. Voilà. Tu mets combien? 50. Soyons fous. Merci beaucoup. Tu passeras pour mes enfants un petit disque demain ou tout à l'heure. Comment ils s'appellent tes enfants? Je vais noter tout de suite. Il y en a beaucoup. Hein. J'en ai plusieurs. Fais la liste. Alors, vas-y, commence. Achille. Jules. Et Alix. Alix. Voilà. Eh bien, c'est noté. On dédicacera une chanson à Achille, Jules et Alix demain dans l'émission. Black M ou un truc comme ça. Écoute, quand ça passe, alors il faut que quelqu'un le choisisse sur viaforlife.be, mais dès que c'est le cas, je passerai un grand bonjour à Achille, Jules et Alix. Et ton prénom, c'est Grégory. Grégory, voilà. Comme ça, je mets le papa, c'est Grégory. Voilà, c'est noté. Alors, il y a l'autre ici qui suit. Hein. Voilà. Mais il est beaucoup moins à celui-là. Et alors, L'autre, qu'est-ce qu'il veut, l'autre? Et c'est pour Diego. On fait les dédicaces à la demande. Donc, Diego. Et Alexia. Alexia. Ah, toi, t'as moins bossé. Ah, ouais, t'as fait. T'en as fait un peu moins quand même. Et ton prénom, c'est Fred. Alors, Fred. Dédicace suivante. Il y en a plus ? Il y en a plus. Voilà. Ben merci pour vos dons, les amis. On remplit la cagnotte Viva for Life et c'est super sympa de vous être déplacé sur la place de la digue ce soir. En taxi. Bon retour. Et ben c'est très bien. Si vous avez fait un peu trop la fête, c'est très bien de rentrer en taxi. C'est très sage. On va continuer à écouter de la musique qui a du cœur et qu'on partage ensemble, que vous partagez, que vous choisissez sur vivaforlife.be. C'est Arnaud qui nous a demandé d'écouter ABBA, The Winner Takes It All. L'expert du cinéma, elle est contente de cet accent anglais. Je, peux je faire... trouve que c'est super bien. Je peux faire des pubs pour du café ? Oui, par exemple. Avec cet accent-là ? Ok, bah, très bien. Voici ABBA, donc, qui a été demandé par Arnaud, qui nous donne 40 euros pour écouter cette chanson. Merci Arnaud. Et dans un instant, il va y avoir de la chanson en direct, ici, sur Vivacité, en direct, sur la Une également. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. Exit Roll, c'était ABBA, c'est un don de 40 euros, et ce sont toujours les gagnants qui prennent tout. C'est le message qui va avec la demande d'Arnaud. Alors je vous le dis en direct, donc c'est toujours les gagnants qui prennent tout. Dans la vie, il n'y a ni gagnant ni perdant, nous sommes tous identiques face à ce que la vie peut nous offrir et ce que les autres peuvent offrir et ne pas prendre. Nous allons méditer là-dessus et nous allons aller du côté de la boîte aux lettres avec du monde et l'équipe de Vivacité qui travaille dur, toute l'équipe de la RTBF qui se mobilise. C'est 150 personnes qui travaillent sur Viva for Life et il y en a qui se lèvent tôt à 4h30. Comment ça va les gars? Et ça va. Et les filles? Il y en a qui ne vont pas dormir aussi, c'est ça l'astuce. Mais ça, si vous allez faire la fête aussi, hein, ça c'est plus problème, facile hein. Comme ça. Ah bah oui. Et ça fédère. Alors, vous êtes allé faire la fête pendant toute la nuit et vous reprenez le boulot? À 6h précisément. Alors, vous faites quoi sur Viva for Life? Comme ça, alors, on va essayer de présenter petit à petit tout au long de la semaine toute l'équipe. Eh bien nous on s'occupe des réseaux sociaux, donc on s'occupe des tweets et des messages Facebook que vous envoyez. Et on est les meilleurs. C'est... ben, c'est vrai. Et on vous aime tweeter et Facebooker un max s'il vous plaît pour donner nous du travail. Évidemment. Et dès que vous mettez un truc, c'est nous qui répondons. Ah ben super. Oui. Heureusement que vous êtes là, et forcément si vous êtes ici chez Vivacité, c'est que vous êtes les meilleurs, bien sûr. Mais bien sûr, et on adore quand Cyril nous aime et nous retweet et nous répond. Exactement. Mais je passe mon temps. Et Cyril déchire sa mère. Hein. Pardon? Je disais que tu étais extraordinaire. Il est poli le garçon. Il a dit déchire sa mère. On avait chanté de danser là avant d'aller travailler. Alors, si vous voulez chanter justement, ça tombe bien parce que Fadi et Renaud nous ont rejoints. Fadi Ez, c'est son nom de famille. C'était hier. C'était la première fois. Bah, non, mais je me doute bien. Qu'est-ce qu'on va chanter, les amis? Pourquoi il y a un sachet? Avec Pascal aussi qui est arrivé. Bah, on va vous chanter Cendrillon. Pascal Michel. Il a des fans. Bonsoir. Hey, toute l'équipe est à regarder en direct sur la une, en télé, sur le stream du Live Center RTBF.be, vivaforlife.be. Cendrillon, téléphone, on y va. Cendrillon, pour ses 20 ans. Et la plus jolie des mamans, son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas croire quand le jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire, elle part, elle part. Oh oui, elle part. Jolie petite histoire. As-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les yeux, les anges n'aiment pas devenir vieux. Applaudissements pour toute l'équipe.

grâce à Candy d'Iggy Pop, bah on peut ajouter 50 euros à la cagnotte. Ça fait plaisir. Merci Stéphane. C'est Stéphane de Charleroi qui a choisi cette chanson simplement parce qu'il dit parce que c'est bon ça comme vous. Bah merci Stéphane pour le message. À propos de Stéphane, on en a un autre sous la main. Stéphane Piebeuf qui a débarqué en pleine nuit. Ah bah qu'est-ce qu'on s'est bien marré. Allez, vous avez une belle coupe de cheveux. Ah, j'adore ma coupe de cheveux, mais ça c'est grâce à la coiffeuse Josette. Josette qui est rentrée tout à l'heure dans le cube. Est-ce que Josette, vous pouvez redécrire comment vous avez déguisé Stéphane Piebeuf, qu'on d'habitude on voit en costume sur la une pour la météo. Une petite veste et une paire de lunettes à paillettes toutes les deux jaunes. Perruque verte. Perruque verte, oui. Et tout ça brille fort, hein. On vous met la vidéo, la photo pour ceux qui ne sont pas devant la télé là pour le moment. On vous met la photo sur viaforlife.be et vous retrouvez tout ça en vidéo tout à l'heure dans la matinée avec toute l'équipe qui va se mettre à bosser. Si je vous rappelle, c'est toute une équipe qui est derrière pour faire Viva4Life. Stéphane, vous allez rentrer, vous allez préparer la prochaine météo. Je vais rentrer, pas la prochaine météo, mais je vais rentrer et je vais surtout vous souhaiter plein de courage. Merci. À vous trois, parce que ce que vous faites c'est vraiment terrible. Et j'invite tout le monde qui se réveille là peut-être à cette heure-ci à week-end avant d'aller travailler à faire un don sur le site internet, à choisir la musique qui donne la pêche le matin par exemple sur viaforlife.be. En tout cas, continuez à nous faire rire parce qu'on se marre vraiment bien en vous regardant. Bah, c'est très gentil, merci Stéphane. Bonne nuit, bonne courte nuit à 4h40. C'est comme si vous étiez sorti en boîte. Exactement. Allez, bon retour Stéphane. Josette, vous restez avec nous? Oui, encore un petit peu, encore un petit peu. Bon bah dommage. Non, je rigole, c'est agréable de vous avoir, Josette. J'en suis sûre, tiens. On va écouter la suite de la musique et après, vous avez quelque chose? Vous avez un défi? Un petit cadeau. Non, un cadeau, quelque chose de gentil. Un cadeau? Un vrai cadeau. Ben, depuis tout à l'heure, ça ne vous ressemble pas, ça. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire comme non. ça? J'ai un grand cœur, vous savez. Ah, pas que ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en plus. Faites bien attention à ce que vous dites. On va écouter une chouette chanson. Alors, à la base, on aurait pu croire que c'était une parodie, mais pourtant, c'est une vraie chanson. C'est Stéphane de Charleroi qui nous a demandé d'écouter cette chanson. Alors tout à l'heure sur Iggy Pop, j'ai dit que c'était Stéphane de Charleroi, mais en fait c'était Stéphanie de Liège qui avait donné 50 euros. Et maintenant c'est Stéphane de Charleroi qui donne 50 euros aussi pour écouter Moussier Tombola. Vous vous souvenez de cette chanson? Pas du tout. Ça avait bien buzzé sur les réseaux sociaux. Écoutez ça. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Moussier Tombola. En boîte de nuit, t'es toujours assis. Si c'est pas danser le logobi ou la chiriri, c'est pas grave, c'est là, c'est pour toi. Quand t'as sauté, hey, hey, quand t'as sauté, hey, hey, doucement. Mesdames et messieurs, la danse qui va arriver, c'est la danse de Jean de Paul suivie de la danse de Thierry Quentin. 1, 2, 3, 4. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Jean de Paul. Thierry Quentin. Tu es content. Stop! Mesdames et messieurs, après Jean de Paul et tu es content, tu reprends ta corde à sauter. D'accord? 1, 2, 3, 4. Corde à sauter, hey, hey, corde à sauter, hey, hey, doucement, mais fais doucement. Position 1, 2, position 1, 2, c'est bon ça. Tombola va te montrer comment on danse ici. Si tu sais pas danser, le logopi. Tombola va te montrer comment on danse ici. Stop! Donc maintenant tu prends ta corde à sauter, tu fais doucement, tu te mets en position et c'est bon ça. 1, 2, 3, 4. Corde à sauter, eh, eh, corde à sauter, eh, eh, doucement. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche, Mais vous faites quoi là? Vous savez toujours pas danser le logo Bitambo? Bande de cochons. Hey! Bande de cochons! Bande de cochons! Bande de cochons! Bande de cochons! Hey! Bande de cochons! Bande de cochons! Bande de cochons! Bande de cochons! Hey! Nous, on est contents? Toi, tu n'es pas content. Ça s'appelle la jalousie. Mais ne t'inquiète pas, on a quelque chose pour toi. Ferme-la! Ferme-la! Ferme-la! Ferme-la! Hey! Bah, s'il demande de la fermer, mais voilà, c'est terminé. Chanson finie pour Moussier Tombola, qui avait été demandé sur viaforlife.be. Et vous pouvez choisir encore la musique. On compte sur vous, on vous attend. Si vous choisissez plus de musique, bah, non seulement il n'y a plus de dons, mais en plus, il n'y a plus rien sur Vivacité. Ce sera embêtant. Donc, allez-y, viaforlife.be. Il y a Josette qui est rentrée dans ce cube tout à l'heure. Vous êtes coiffeuse, on le rappelle. Vous m'avez déguisé en femme. J'ai une robe, j'ai une perruque orange. Et vous avez encore une surprise. Oui, c'est-à-dire que comme c'est la nuit du cinéma et que vous avez très bien tenu votre rôle, on a décidé de vous offrir un Oscar, Cyril. Mais un Oscar un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est la plus jeune voix off de Belgique. Donc Oscar, il a 2 ans et demi. Oui. Et c'est lui que vous entendez dans tous les petits jingles Viva for Life. On entend une petite voix toute bibi. Salut Oscar. Eh bien c'est merci. Oscar. Il vous a écouté avec sa maman. Oui. Et il s'est dit, c'est vrai, ce n'est pas une blague, il s'est dit, oh il a l'air un petit peu fatigué Cyril. Et donc il a voulu vous enregistrer un petit message et je vous propose de l'écouter maintenant. Ah bah super. Cyril, je crois que tu as besoin d'aide. Alors Cyril, je vais t'aider. Fais ton don 8 x 0, 37. Merci pour tous les petits enfants. Bonjour Sébastien. Bonjour Cyril de Padua. Non, Sarah de Padua. Bonjour Sarah de Padua. Est-ce que tout va bien au cube? Merci pour aider tous les petits enfants. Allez Cyril, allez Cyril, allez, allez Cyril, allez Cyril, allez, allez Cyril. Voilà, vous êtes. Allez, ils n'arrêtent plus, il est tout mimi, Oscar. Vous aviez besoin d'un petit encouragement, je pense. C'est super gentil. C'était notre Oscar, voilà. Eh bien, merci, Oscar, pour ton message. Et tu demandes si tout va bien dans le cube. Bah, ouais, tout va bien. Sarah et Sébastien sont en train de dormir. Sébastien va arriver dans un peu plus d'une heure, tout à l'heure à 6h. Et puis, Sarah sera là tout à l'heure à 10h. Il est tout mignon, Oscar. Il est tout bibi. Vraiment. Viaforlife.be pour faire vos dons, pour choisir la musique, comme Dimitri qui est là. Dimitri, je vous accueille et puis en même temps on va faire un bisou à Josette qui va s'en aller. Ça vous va Dimitri comme ça? Ça vous va comme programme? Oui, oui, c'est très bien, ça va très bien. Bisous à vous aussi, merci. Voilà, Josette, on lui dit au revoir. Je vous embrasse bien fort, Cyril, je suis super heureuse d'avoir passé la nuit avec vous. Eh ben, vous allez dire ça comme ça à vos amis? Qu'on a passé la nuit ensemble? Oui, hein, ben, c'est ce qu'on a fait. Excusez-moi de vous l'apprendre, mais nous avons passé la nuit ensemble. Ça me gêne, mais oui. Merci beaucoup, Josette. À très bientôt. Et je vous souhaite une bonne carrière dans le cinéma. J'espère que au moins les réalisateurs, les producteurs qui ont regardé la une ce soir vont se rendre compte de votre talent et ne passeront plus à côté. J'espère aussi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, Josette. Dimitri, bonsoir à vous. Comment ça va ce matin? Bonsoir, ça va très bien. Et vous-même, Cyril, je vois que ça a l'air d'aller. Ça va bien. Vous savez, on m'a mis une robe, on m'a mis une perruque orange, je suis un autre homme ou une autre femme. Oui, non, mais c'est très bien. Vous serez comme ça? Oui, oui. Oui, oui, bah, d'accord, je resterai comme ça, alors si ça vous fait plaisir. Oui, non, bah, pourquoi pas. Non, bah, quand ça va, autant. On peut rien changer. Bah oui, je vous plais, vous voulez que je vienne chez vous après? Bon, pourquoi pas, je peux aller jusque-là, mais oui, non, moi je ne pourrais pas rentrer. Oui, vous pouvez venir à la maison, pas de problème. Ok, alors ce sera après mercredi, mais si vous avez l'occasion de passer ici à la place de la Digue, avec plaisir, parce que vous êtes de la région de Charleroi. Oui, oui, oui, je suis tout près là, je suis à l'eau de l'Insard, je suis à côté. À l'eau de l'Insard, d'accord. Et vous faisiez quoi cette nuit? Ouf, ben, je vous regarde, j'ai fait un peu de tout, quoi. Bon, j'ai pas dormi non plus. Mais bon, moi, je vais aller me coucher après. Eh ben, je vais faire comme vous. À 6h, j'irai dormir une fois que Sébastien vient d'en prendre le relais. Ben, c'est gentil de passer la nuit avec nous, ça fait super plaisir. Dimitri, vous avez choisi une chanson, c'est laquelle et c'est pourquoi? C'est d'Edith Piaf, hein. C'est quoi l'amour? Et comme j'expliquais, ben, en fait, bon, ben, c'est jamais. Ah oui, excusez-moi, je vous interromps. Ah non, c'est parce qu'il y a le décalage à la télé probablement. Oui, oui, c'est ça. Coupez le son de la télé, ce sera plus simple, parce que c'est vrai qu'entre le moment où ça part du cube et le moment où ça arrive chez vous, ça passe un petit peu partout dans toute la Belgique avec des câbles, ça prend du temps et donc ça met quelques secondes d'arriver jusque chez vous. Oui, mais je l'ai compris, ça va, je me suis écarté parce voilà. Que là, c'est vrai que c'est perturbant. C'est donc je vous disais, oui, là, c'est la chanson, j'ai choisi Edith Piaf. C'est quoi l'amour? Parce que bon, ben, je trouve que ça, on est en plein dans le thème. Mais bon, c'est une chanson qui explique que ben, bon, l'amour n'est jamais en vain, quoi. Bon, ben, et ça va très bien aussi avec l'action que vous êtes en train d'animer, là. Donc, je trouve que c'était tout en rapport, voilà. Eh ben, c'est très gentil d'avoir choisi cette chanson. En plus, vous avez fait un très bon don. Un très beau don. Dites-nous le montant. 50 euros. Merci beaucoup Dimitri pour ces 50 euros. Vous avez raison, c'est une très belle chanson, l'hymne à l'amour. Merci à vous pour votre action, c'est formidable, c'est magnifique, c'est beau. Eh ben, c'est surtout les enfants qui vont être récompensés après les 80 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Et c'est pour eux qu'on le fait. C'est parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2015, des enfants ne puissent pas grandir correctement, ne puissent pas avoir accès à l'école correctement, à participer à des activités, à manger correctement. C'est pas normal que des parents ne puissent pas faire garder des enfants. Parce que c'est ça aussi. C'est parfois des crèches qui permettent de faire un accueil parce que ça coûte cher et que c'est pas toujours évident et qu'on peut pas faire le choix de se dire, bah, on arrête de travailler pour garder des enfants. Heureusement, des structures sont mises en place et on les finance grâce à Viva for Life et grâce à votre don aussi, Dimitri. On vous embrasse, bonne fin de nuit et à très vite alors. Oui, je vous embrasse et bon courage pour vous et continuez à faire ce que vous faites. C'est très gentil. Merci pour vos encouragements, Dimitri. Bonne nuit à vous. Voici Edith Piaf, l'hymne à l'amour dans Viva for Life. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre se vient s'écrouler. Le matin, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu me. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Ne m'abandonne, si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Que nous aurons. Bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se. guess for now you've got the last laugh. I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't. But usually I don't mess with this, and I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with a message like we usually do, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here, not there in the kitchen with the always gossiping about her friends. I'll tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up, 'cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. And I can't wait till we can break up out of here. It's later congregating next to the refrigerator, some girl talking about a hater, she ain't got none. How did it ever come to this? I should've never come to this. So holla at me, I'll be in the car when you're done. I'm standoffish, no one with your offering, and I'm done talking awfully sad. It had to be that way, so tell my people when they're ready that I'm ready, and I'm standing by the TV with my beanie low. Yo, I'll be over here. Chaque musique qui passe pendant Via for Life, c'est un don que vous faites, et faites-le, rejoignez-nous si vous n'avez pas encore donné, vous pouvez le faire si vous nous rejoignez à l'instant à 4h59, vivaforlife.be pour choisir la musique entre 5h et 6h. Encore plein de musique qu'on va écouter, on compte sur vous, vivaforlife.be, vous choisissez un titre et vous mettez quelques euros pour l'écouter. On démarrera cette nouvelle heure de Via for Life dans un instant avec Michel Fugain. Ça arrive juste après le journal. Viva for Life, avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Merci de nous écouter, il est 5h. Laura Noitecamp avec vous, bonjour à tous. C'est le grand saut vers l'inconnu pour l'Espagne ce dimanche. Les électeurs doivent renouveler leur parlement. Avec l'explosion de la bulle immobilière, de la crise financière, les douloureuses politiques d'austérité, un taux de chômage qui s'envole, le peuple est lassé, voire déprimé. En termes de santé publique d'ailleurs, l'impact se ressent fortement sur la population, comme ont pu le constater Marie-Paul Genome et Patrice Hardy à Madrid. Toutes ces restrictions budgétaires ont conduit à la disparition de 50 000 postes de travail, infirmières ou médecins, dans la santé publique. Angela Hernandez est chirurgienne dans un hôpital public de Madrid. Pour 10 médecins qui partaient, on en a engagé qu'un seul au maximum. Cela a conduit à une diminution des équipes. La crise et les restrictions ont touché les patients également. Les listes d'attente s'allongent dans les hôpitaux. Certains malades renoncent même à leur traitement. Des cas extrêmes, oui, quand un pensionné n'a que la pension minimale et qu'il doit loger et subvenir aux besoins de ses enfants au chômage à cause de la crise. Alors oui, tout cela est dramatique, effectivement. Des restrictions qui ont également touché le matériel sanitaire dans les hôpitaux. Au moment de faire les achats, ils regardent plus le prix que la qualité. Ils nous ont changé les gants stériles de chirurgie. Quand tu les mets, ils se déchirent. Si tu transposes cela pour le matériel de chirurgie ou si tu vois qu'ils ne renouvellent plus le matériel technologique, on en arrive à une situation qui pourrait devenir critique. On pourrait dire que la santé publique est aujourd'hui en danger ? Je dirais que oui. Chez nous, c'est un réel soulagement pour TéléMB. La télévision régionale de Mons-Borinage va recevoir 1 million d'euros des 9 communes socialistes de la région. Il y a 10 jours, la direction annonçait que les caisses étaient vides. Cet équivalent temps plein allait perdre leur emploi. Ce million permettra d'éponger le déficit de TéléMB. La direction et les bourgmestres socialistes vont maintenant tenter de convaincre le reste des communes de la zone où le MR ou le CDH sont au pouvoir. Noël approche à grands pas, de nombreux magasins seront ouverts ce dimanche. L'occasion de dénicher le cadeau idéal ou de dernière minute. Les commerçants attendent beaucoup de ces deux jours d'ouverture. Avec les attentats et la fermeture des commerces durant plusieurs jours, les caisses se sont moins remplies que d'habitude. À la une de l'actualité internationale, les quatre passagers du ferry disparu au large de l'Indonésie hier ont été retrouvés vivants. Les recherches pour localiser le navire continuent. Les quatre passagers ont été découverts accrochés à des bouées de pêcheurs dans une mer très mauvaise. Le ferry a disparu avec 118 personnes à bord au large des îles de Célèb. Des responsables ont déclaré que le contact avec le navire avait été perdu après qu'il eût été frappé par de grosses vagues. La Turquie a annoncé qu'elle poursuivra le retrait de ses troupes d'Irak suite à l'appel téléphonique du président américain Barack Obama à son homologue turc Recep Erdogan. Barack Obama l'a invité à prendre une telle mesure afin d'apaiser les tensions entre les deux pays voisins. Le président américain a insisté sur la nécessité pour la Turquie de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. La Turquie avait déployé en Irak il y a une dizaine de jours un contingent de 150 à 300 soldats et une vingtaine de véhicules blindés dans le nord du pays. Mais Bagdad y a vu une incursion illégale. On passe au sport à présent avec une soirée de gala plutôt réussie pour Kevin De Bruyne. Il a été élu sportif de l'année 2015. C'est la boxeuse Delphine Piersoun qui a remporté le titre féminin. En football, Charleroi s'est incliné 2-1 face à Westerlo, dernier du classement. Charleroi voit les portes du top 6 s'éloigner après cette défaite 2-1 chez la Lanterne Rouge. Donc, les Zèbres ont pourtant très bien débuté le match. Ils ont rapidement mené 0-1 avant de plier puis de rompre. Pourquoi ? Francis Nganga, le défenseur Carolo, a son avis sur la question. On a fait 20 premières minutes exceptionnelles et après, plus rien. Je ne sais pas pourquoi. On va en parler, on va voir ce qui s'est passé parce que ce n'est pas normal qu'il n'y ait plus rien comme ça après 20 minutes de jeu. Oui, parce qu'on ne peut même pas dire que Westerlo était génial après 20 minutes non plus. J'ai l'impression que c'est Charleroi qui a déjoué. On a déjoué, on les a laissés prendre confiance et c'était un rapport de force et au niveau de ça, ils sont venus dans notre camp et ils ont marqué ce premier but sur coup de pied arrêté, leur point fort. C'était à nous de jouer plus haut, de monter le bloc et ce qu'on n'a pas fait. Francis Nganga avec Ebi Brouzakis. Pour les autres résultats, Moucron-Perouet a été battu 0-1 par Westland Beveren, un autre adversaire direct dans le bas du classement. Et puis OHL a fait 3-1 face à Malines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous à 6h pour le journal. D'ici là, très bon réveil avec nous. Les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Pitou, je te ressemble tout de suite, je suis encore occupé à travailler. Viva for Life. Viva for Life. Avec Cyril. Et vous aussi, vous bossez peut-être à 7h06, 5h05, si vous nous rejoignez, merci. Et si vous êtes en train de bosser, bah, courage à vous, on est là pour vous accompagner. Et Viva for Life, c'est loin d'être terminé, 86h08 minutes 27 secondes, et on arrivera au bout grâce à vous, grâce à vos dons. Vous choisissez la musique, et à chaque fois que vous choisissez, bien, c'est quelques euros que vous versez. Alors, quelques euros ou beaucoup d'euros, c'est vous qui choisissez pour aider les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui n'ont pas la vie qu'ils méritent d'avoir. On ne choisit pas quand on est enfant d'être dans la pauvreté. et pourtant ça peut faire d'énormes dégâts. Donc on compte sur vous pour donner un maximum d'argent et comme ça on pourra répartir cet argent à différentes associations. Il y a 140 appels à projets qui ont été envoyés cette année pour Via for Life et donc on va essayer de contenter tout le monde. On ne pourra le faire que si vous donnez, et si vous donnez un maximum ou si vous faites l'effort, si vous avez quelques euros à donner pour les enfants, ben ce sera déjà pas mal. On a par exemple un témoignage très touchant hier, quelqu'un qui est venu à la boîte à dons ici sur place, à la place sur la place de la Digue à Charleroi, et qui nous a dit ben voilà, j'ai pas encore touché l'argent, je toucherai de l'argent le 23 décembre et je viendrai mettre 5 euros même si je dois me priver pour ne pas manger. C'est quelqu'un de super gentil, super, qui a un cœur mais énorme, qui est gros comme ça, qui viendra donc le 23 décembre donner 5 euros. Ben 5 euros plus 5 euros plus 40 euros plus parfois 50 euros plus parfois des dons à 1000 euros. Ben on va arriver à un compteur gigantesque avec un beau montant, je l'espère, quand on sortira du cube, quand Zazie, quand Marraine viendra nous ouvrir la porte mercredi prochain, mercredi 23 décembre. Vivaforlife.be pour faire vos dons, pour choisir la musique. Et on va faire plaisir à Alexis. Alexis qui nous a demandé d'écouter Michel Fugain, il a donné 17 euros Alexis pour écouter cette chanson, puisque vous choisissez le montant à partir de 5 euros, il n'y a pas de problème, vous choisissez le montant du don que vous avez envie de faire. Et il nous a mis un message, Alexis: j'ai choisi ce son car parce que le thème de cette nuit est le cinéma Actor Studio et j'ai trouvé ceci de circonstance. Dédicace à tous les fans et enfants fans de Plus Belle la Vie et surtout à Léa François, mon actrice préférée. Ben voilà, le message est passé Alexis, voici pour vous, Michel Fugain. Attention, mesdames et messieurs. Viva for life. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera. Mesdames et messieurs, c'était Michel Fugain. 17 euros de dons qui sont rentrés dans la cagnotte grâce à Alexis qui a demandé ce titre. Et dans un instant, c'est Billy Joel qui arrivera. Viva for life! Viva for life! La musique a du cœur! Partageons-la! Et on la partage aussi avec l'équipe de Viva for Life, toute l'équipe qui est en coulisses de cette émission où il y a grosso modo 150 personnes qui travaillent sur Viva for Life, dont Pascal et Fadi qui viennent toutes les nuits jouer quelques morceaux de musique. Alors aujourd'hui, ce soir, là, à 5h11, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va chanter? Alors on va vous chanter une petite chanson pour un enfant qui a 10 ans. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il chante. C'est du Alain Soujon. Il chante une chanson qui s'appelle « J'ai 10 ans ». Alors, ce que je vous propose, c'est de chanter, mais il y a aussi des gens devant la boîte aux lettres. C'est des gens de la Sécu qui sont avec c'est nous pendant toute la soirée, toute la journée. 24 ils sont en train de se retourner en disant « On n'entend pas ». Ils font semblant. Non. Mais si on vous voit, messieurs, donc vous pouvez vous mettre à la boîte aux lettres pour chanter avec nous, si vous voulez. Regardez. Alors, il y a Mousse. Et Mousse, comment s'appelle ton collègue à côté? Damien? Oui. Alors Damien, Mousse, j'ai 10 ans de Souchon, ça vous parle? Non, je ne connais pas. Eh ben, je vais te donner les paroles. Comme ça, vous allez pouvoir chanter avec nous, parce qu'il y a aussi toute la sécu qui tourne ici autour du cube, sur la place de la Digue, avec 24 heures sur 24. Ils ont les paroles en main, Cyril vient de leur donner. Et là, il regrette de s'être mis juste devant la boîte aux lettres. Mais alors, un énorme coucou à toute la sécurité, parce qu'il y a énormément aussi. C'est vrai qu'on parle de toute l'équipe de Vivacité de la RTBF qui s'est mobilisée. Mais il y a beaucoup de sécurité aussi qui bosse. Il y a l'armée qui passe régulièrement, parce que vous savez, on est en période un petit peu tendue. La police aussi. Donc, merci à toute l'équipe qui bosse 24 heures sur 24. Et donc, chapeau, les gars. Je peux préciser Panthère Sécurité. Panthère Sécurité, merci à vous. Et c'est écrit en tellement gros sur votre veste qu'on le voit à peu près toute l'année. Sur la une en télé. Vous êtes prêts à chanter? Ouais. Allez, on écoute. Donc, j'ai 10 ans, c'est parti. Pascal, Fadi, Damien et Mousse. Il y a juste une musique en dessous. Que je vais couper dès que tu démarres. Merci. Il est exigeant, faut faire attention. Ouais. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, tape ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Et moi je rigole, cerf-volant, je rêve et je vole. Si tu me crois pas, tape ta gueule à la récré. C'est bien. Oui. Le mercredi, je balade une paille dans ma limonade. Je vais embêter les qui à la vanille et les gars au chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans les sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans les montgolfières des géants. Les petits hommes verts, si tu me crois pas, et à vous attention, garde la gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein les poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, et garde la gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane. La sarbacane, j'envoie les chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai les prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, tape ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tape ta gueule à la récré. C'est agréable, toutes ces versions acoustiques toutes les nuits. Merci Fadi, merci avec Pascal, plaisir. Merci, bravo Damien et Mousse aussi de la sécurité. Plaisir. Et vous revenez quand vous voulez pour chanter, les gars. Merci. Je pense on peut remplir un stade Roi Baudouin avec vous, sans problème. Johnny à côté, c'est de la gnognotte, les gars. Merci beaucoup, vous revenez donc demain pour une nouvelle nuit. Non, je ne sais pas. C'était quoi? T'es constipé en même temps? Non, je ne sais pas. Je vais d'abord aller aux toilettes et puis je vous dirai. Voilà, exactement. Merci, Fadi. À bientôt. On va tout de suite prendre la direction du Standard avec quelqu'un qui est avec nous au téléphone. Il s'appelle Guy Delmotte. Bonjour, Guy. Bonjour Cyril. Alors comment Guy, bah, ça va super bien. Ça va super bien. Alors, la perruque vous va très bien. C'est vrai que si vous nous rejoignez maintenant, c'était une soirée cinéma et il y a tout à l'heure Josette qui traînait devant le cube, qui a décidé de venir me déguiser. Donc je me retrouve avec une robe rouge et noire et une perruque orange. C'est particulier. Bon, Guy, vous faites partie de ces nombreuses personnes qui sont bénévoles et qui organisent un peu partout en Wallonie, à Bruxelles, des défis Vive for Life pour récolter un maximum d'argent, un maximum de dons pour soutenir les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, vous avez décidé de faire une balade à pied, mais c'est plus qu'une balade. Vous allez relier Namur à Charleroi, c'est ça? Ou dans l'autre sens? Nous relions la citadelle de Dinan jusqu'à Charleroi, donc ça fait 65 km. Ah oui, on vient d'en faire deux, on est sur l'écluse de la Lef, on essaye de passer sans s'accrocher, voilà c'est fait. Ouais. Et oui, nous allons suivre la Meuse jusqu'en Haye, et puis alors la vallée de la Molinier, un petit peu de National pendant 4-5 km, et puis nous rejoignons la Sambre et de Ravel jusqu'à Charleroi. Nous espérons arriver vers 18h, 18h30 à mon avis, parce que on va sans doute prendre un petit peu de retard. Ouais. On attend le caméraman de la RTBF. D'accord. C'est pas très bien où il est, il s'est perdu. Ah ouais, vous savez, ils bossent tellement que peut-être qu'il y a eu une petite panne de réveil qui vont rejoindre très rapidement. Non, nous l'avons vu au départ, mais ils nous cherchent sur un pont, mais on a dit c'est pas le même pont que nous. Ben alors, ils sont partis prendre le petit déj. Ils vont arriver, vous inquiétez pas. C'est quand même énormément de kilomètres. Vous avez un équipement spécial pour faire ça? Des bonnes chaussures, on est motivés. On est en frontal pour l'instant. Ah, ben oui, c'est vrai. À cette heure-ci, il fait un petit peu noir. Alors, vous allez récolter de l'argent. Comment ça se passe pour récolter de l'argent? Donc, en fait, les participants ont décidé de se faire parrainer chacun et on a demandé de parrainer un kilomètre pour ne pas que les gens parrainent 65 kilomètres. Et alors, nos parrains et marraines ont parrainé un kilomètre et on demandait à ce qu'ils versent le plus possible. Ah ben, ça, c'est super et sympa. Et alors, il y a aussi via le défi en ligne, là, hein, et là, on est arrivé, je crois, pour l'instant. Enfin, hier soir, nous étions à 5 600 €. Ah oui, quand même. Donc, alors, on découvrira tout à l'heure. Vous arrivez sur la place de la digue ce soir. S'il vous plaît. Vous arriverez sur la place de la digue ce soir, alors vers 18h30. Nous arriverons sur la place de la digue vers 18h30, à mon avis, pendant le direct. Eh bien, on a hâte de vous accueillir et de découvrir le chèque. Merci, en tout cas, au nom de tous les enfants, merci Guy de vous mobiliser, d'avoir organisé cette marche de Charleroi, de la citadelle de Dinan, c'est ça, donc jusqu'à Charleroi. Courage à vous sur la route, soyez prudents quand même. Et puis, on vous récupère tout à l'heure ici à la place. Ils veulent tous crier un petit peu. Eh bien, qu'ils crient. Faites-vous plaisir. Voilà. La musique a du cœur. Partageons-la. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. So untrue. anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I Merci Nadine d'avoir fait un don pour pouvoir écouter cette chanson de Billy Joel, Honesty, à l'instant. Et c'est un don de 5 euros que nous ajoutons à la cagnotte. Et elle nous a demandé, Nadine, d'écouter ça parce qu'elle est fan, tout simplement. Merci à elle. Et si vous aussi, vous avez envie de faire un don, si vous avez envie d'écouter en ce dimanche matin une chanson que vous adorez particulièrement, faites-vous plaisir et faites plaisir aux enfants qui en ont besoin. Viva4life.be, c'est le site à retenir pour faire vos demandes de dons. Et alors, si vous n'avez pas envie d'écouter une chanson, parce que ça peut arriver, vous avez envie juste de donner, mais pas d'écouter de musique, vous pouvez le faire par SMS, ça fonctionne, le numéro est gratuit, c'est le 4001. Vous envoyez simplement votre numéro de compte, vous ajoutez un petit espace et puis juste après vous mettez le montant que vous voulez donner à Viva for Life et ça arrivera directement. On s'occupe de vous envoyer tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le virement ensuite. Donc 4001 et le numéro de compte, un espace et le montant. Merci beaucoup. On va à la boîte aux lettres. La voix. Oui, la voix. Mais tu peux aller à la boîte aux lettres, vas-y. Ah bah si vous me donnez l'autorisation, la voix. La boîte aux lettres qui est... Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Quel est ton prénom ? Amaury. Amaury, alors qu'est-ce que tu fais sur la place de la Digue à 5h23 ? Bah, j'ai entendu à la télé que vous demandiez du maquillage. Oui, oh là là. Et j'ai du crayon noir rien que pour vous. Oh là là là là. Attends, je vais venir chercher ça directement. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai été déguisé en... On peut le dire, en n'importe quoi. Puisqu'on m'a déguisé en femme. Et alors, le micro ne fonctionne pas. Est-ce que... 1, 2, test. Le micro est en panne. Alors, je vais venir chercher ça juste après, si tu veux bien. Et on verra s'il y a encore une équipe pour... C'est bon, c'est dit ! Josette est de retour. Je pensais que Josette était partie. Qu'est-ce que vous faites encore dans ce cube ? Je suis venue vous aider. J'ai entendu que vous aviez besoin d'aide. Je suis là. Et j'espérais que vous soyez parti, pour être honnête avec vous. Et ça, c'est des croquettes pour Cubi. Ah, c'est super gentil. Merci beaucoup, jeune homme. Il n'y a pas de souci. Alors donc, ça veut dire qu'en plus du déguisement, en plus de la robe et de la perruque noire, je vais être maquillé maintenant. Merci beaucoup. Vaut mieux pas. Merci, c'est super sympa. Bonne soirée, bonne nuit à toi. La voix, vous vouliez quelque chose ? Oui, je voulais justement faire un petit blind test en fait. Ah, un blind test avec un thème ? Oui, des petits extraits de films. On aime bien les petits extraits justement, de films. Justement, Josette est là, donc c'est super. Alors, c'est parfait que Josette soit là parce que niveau film, je suis pas hyper calé quoi. Salut, je vais vous aider, Cyril. J'ai raté plein de classiques en film. Oui. C'est moi qui parle maintenant. Oh là, ok. Josette, oui. C'est moi qui parle. Oui, je vous laisse parler. Je n'ai rien à dire. Ça va. Je suis jalouse. Comment ? Je suis une fille jalouse. Oui, j'entends bien ça. D'accord. Donc, Josette. Oui. Écoutez bien les règles. Oui. Celui qui perd devra faire le tour de la table le plus vite possible. Mais attention, le plus vite possible, mais dans une certaine position. C'est-à-dire... Et c'est le gagnant qui décide. Ah, d'accord. Ok, à genoux. À genoux. Vous avez d'autres idées comme ça ? Sur la tête. Vous nous montrerez la voix comment on fait le tour de la table sur la tête. Ben, vous choisissez. Je vous laisse votre amitié prendre place. D'accord, merci. Bon. Vous commencez à dire n'importe quoi, vous aussi, à ce temps-ci. Hein. Oh mais non, moi je ne dors jamais, hein. Je suis toujours en forme. Ça s'entend, la voix, la voix. Mais on va commencer avec le premier extrait, d'accord? Bah oui, c'est pas mal. Okay, et juste, trichez sur Twitter, si vous avez les réponses. J'ai Twitter sous les yeux, j'ai Facebook sur les yeux. Envoyez les réponses, hein. N'hésitez pas à hashtag bien. Les extraits sont parfois très courts en fait, donc il faut faire attention. Okay. Bien écouter. Mais c'est des musiques ou c'est des extraits? Ce sont des extraits de films. Oh donc là c'est là, un film qu'on doit donner à titre de film, d'accord. Ok, et alors à la fin du blind test, c'est le gagnant qui maquille le perdant. Donc Josette, vous allez pouvoir sortir du studio maquillée en fait. D'accord, ce sera, écoutez, ce sera une très belle chose. Voilà. On vous écoute la voix. Let's go. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? La cité de la peur. Voilà, super. Alors, Cyril. Je sens mal cette histoire. Écoutez bien la petite musique qui va venir. Mais je vous conseille de couper les micros pour faire le tour de la table, pour être un peu en rythme. Oui, mais c'est pas tout de suite. Ah si, si, c'est tout de suite. C'est ah, c'était un seul extrait. Voilà, c'est parti. Non, non, non, oui, la voix. Stop, la voix. Arrêtez tout. Je conteste, un blind test, c'est pas un seul extrait. Oui, mais c'est un blind test amélioré. D'accord. C'est un blind test express. Alors, donc c'est Josette qui doit choisir comment je fais le tour de la table. Mais là, on pouvait faire normalement pour prendre vos repères, en fait. Il n'y a pas de souci. Ah, parce qu'à chaque fois, il va falloir le faire. Bah oui, mais il faut gagner, comme ça, vous le faites pas. Vous êtes des malades dans cette équipe. Voilà. Bon, ok. Donc, je dois faire le tour en courant. Hop, on coupe les micros, vous mettez la musique. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Voilà, j'y suis. Super. Deuxième extrait. Je crois que j'ai arraché un écran au passage. On vous écoute la voix. Et j'ai perdu mon pantalon. Mais c'est pas grave, j'ai une robe. Oh, je l'enlève. Attendez, j'enlève le pantalon. Ça va, regarde. Voilà. Vous me gênez, vous, Cyril, arrêtez. Vous y avez pris tellement goût à la robe que vous ne voulez plus mettre votre pantalon. Mais vous avez les jambes poilées, Cyril. Ça vous plaît? Regardez. Oh. On aurait dû demander de la crème dépilatoire aussi, en même temps que le maquillage. Vous avez déjà vu Cyril Hanouna? Il fait le grand écart pendant son émission. Ben moi aussi, je peux mettre le pied sur la table. Allez-y, rien à faire. Allez-y. Eh, voilà. Ah, magnifique. Voilà Cyril Hanouna. Moi aussi, je le fais. Peur de rien. Allez, bon, par contre, je suis pas extrait. Bon en blind test cinéma. Deuxième extrait. Je crois que je me suis déchiré les muscles de la cuisse. Ah bon, il a pas de prénom. Allez-y, le dîner de con. Juste le blanc. Deuxième extrait. Ah parce que là il y a... C'était le deuxième extrait. Oui, mais j'ai gagné là. Ok, ben choisissez. La voix est dégoûtée. Non, non, non, parce qu'on a bien... On a dit qu'on le faisait juste le plus rapidement possible, c'est tout. Déjà, je dois enlever mes chaussures, sinon je vais... D'accord, et ben Josette, vous pouvez le faire simplement en courant. Attention, musique, 3, 2, 1, c'est parti. Qui a été plus rapide, la voix? Oh, je pense que c'est vous, Cyril. Ah, merci, la voix. Vous êtes le meilleur. Oh, la voix. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Vous ne faites pas ça, la voix, je vais arriver chez vous. Mmh. Nouvel extrait? Oui. Allez, on y va. Prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Miguel. Les trois frères. Gagné. Oh, mais je l'ai vu, celui-là, pourtant. Perdu. Bon. Bon, allez, on vous écoute, Josette. Ben nous, il doit le faire le plus vite ou alors je lui dis par exemple en canard. En canard, par exemple, il n'est pas obligé d'aller vite. Mais c'est comment en canard? Ben vous faites la danse des canards, ben, on n'a jamais vu ça. Faire le canard. Ok, ok, vous mettez une musique pour le faire? Ben la danse des canards, par exemple. Enfin, je vous prends peut-être un peu court, mais... Un petit peu, il faut compter jusqu'à 10. C'est parti? Eh bien, allez, d'accord. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va voir si notre ami a réussi. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en son coin coin. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. Ça ne ressemble à rien, on est d'accord? C'était magnifique, magnifique. Attention. Pour suivre tout ça, le Life Center rtbf.be ou alors sur la une en direct en télé. Et il y a peu de chaînes au monde qui, je pense, mettent ça à l'antenne grâce à vous, la voix. Quatrième extrait. Oui, maman. Viens, vite, je te cherche partout. Non, je suis en shooting. Non, mais maintenant, faut arrêter de donner. Magnifique. Maintenant, faut arrêter ces conneries. Bon, donc, Josette, c'est à vous, un choix. Josette, elle a perdu, elle a arraché son casque. Mais il faut choisir, pendant que j'ai des cheveux qui arrivent dans la bouche. Dites, comment je dois faire le tour de cette table? Oh, je vois que vous avez l'air fatigué. Normalement, normalement. En courant vite, alors? Oui, en essayant de courir. Oui. Alors, le plus vite possible. Ok. On y retourne. Après, on mettra la musique, parce que sinon, je vais décéder. Hein. Allez, 1, 2, 3. Casque. Hey! Me voilà de retour. Vous avez juste failli arracher les écrans derrière vous, mais vous y êtes arrivé. Et je me suis fait mal à la main. Ça fait quand même 3-1, là. 3-1, on va faire une petite pause, on continue après? Encore un, et puis c'est fini, vous êtes trop fatigué, là, en fait. Ouais, on écoute Big Soul, et puis on fait la dernière partie, ok? C'est ça ou c'est un décès en direct, en fait? Non, non, pas de problème, on a pas de soucis. On a encore besoin de moi pendant 85 heures, a priori. Mercredi, vous pourrez me tuer en direct, y a pas de problème. Frédéric de Liège a demandé d'écouter Big Soul pour 15€. Merci, Frédéric. Entonner le tambour. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste au chant des forts. Je m'en fiche, je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Passez, s'il vous plaît, sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe. Allons au fond, fondrez-vous, branchez les guitares, chantez les guitares, je m'en fiche, je m'appelle rack. Allons au fond, jouez. Branchez les guitares, le brio. Big Soul, le brio, ah, c'est bon, ça met en forme. Si vous vous réveillez à 5h34, je ne sais pas pour quelle raison vous vous réveillez à cette heure-ci, peut-être pour aller bosser. Bah, si c'est le cas, courage à vous. Bonne journée, bon dimanche, parce que oui, il y a des gens qui travaillent le dimanche. Et puis peut-être que vous vous levez pour ne rien faire. Et dans ce cas-là, je vous dis bah, pourquoi vous êtes debout. Profitez-en pour faire un don. Viva4life.be, vous choisissez la musique qu'on écoute, vous vous faites plaisir, vous avez envie d'écouter quelque chose. En même temps, vous faites plaisir aux 80 000 enfants qui ont besoin de soutien. Toutes les associations qui se battent tout au long de l'année, eh bien, on les finance grâce à Viva for Life, et donc grâce à vous, viva4life.be pour faire vos dons. On compte sur vous. Dans un instant, la musique de Machiavel, on écoutera Fly. Ce sera un live en plus enregistré en 2005. C'est à l'ancienne Belgique que ça s'est passé. C'est Olivier de ce bon Saint-Guibert qui a demandé d'écouter et qui fait un don de 50€. Merci beaucoup Olivier. Il y a un jour, tous les enfants voleront de leurs propres ailes. C'est un défi réussi. Merci Olivier. Et à propos de défi, la voix s'est encore tapée l'incruste dans cette émission. Oui. Eh oui. Et alors voilà. L'idée c'est de faire un blind test sur le cinéma. Vous mettez des répliques de films et celui qui ne trouve pas, c'est-à-dire généralement moi, de faire le tour de la table, du studio, dans le cube, de façon particulière. Oui, vous c'est avez bien. Toujours les idées au clair, c'est chouette. Merci la voix. Voilà, alors on y va pour le cinquième expert. Nous sommes prêts. Allons-y. Bah là je viens de terminer de lester le corps, tu vois. Ah, c'est arrivé près de chez vous. Mais c'est pas la première fois que vous l'avez mis, ça, en plus. Non, tout à l'heure, c'est un autre film, c'était La Cité de la Peur. Voilà. Mais arrêtez avec ces extraits. Mettez des trucs de films que je connais. D'accord. Bon, ça, vous connaissez quand le prochain, même. Vous mettez. Mais non. Vous êtes de mauvaise foi, Sylvie. Je n'ai pas vu la série La Cité de la Peur. Je n'ai pas vu C'est arrivé près de chez vous. Eh ben, moi non plus. Je les ai quand même trouvés. Taratata. Eh ben, vous êtes de mèche avec la régie. On sait comment ça se passe là-dedans, dans ce milieu. Ce n'est pas vrai, monsieur. Si, tout le monde fricote ensemble, ça se fait des bisous, ça se donne les réponses. Merci. Mais non, mais non. Alors, vous choisissez, Josette? Oui. Oh, merci. J'avais une idée, mais je ne vais pas lui donner. Ça serait dites. Beaucoup trop méchant. Non, non, non. Bah, dites toujours. Les cumulés. En cumulé? Oui. Faire le tour de la table en cumulé? Oui. Est-ce que le sol est... C'est, non, c'est ça que... Et ça risque de, vous risquez Josette, de faire mal. Je essayez préfère... d'abord, essayez d'abord. Non, moi je ne peux pas parce que sinon on voit ma culotte. Mais moi aussi. Mais on ne mettra pas la caméra. On ne mettra pas la caméra. Bien sûr. Bien sûr. Non, ça, je viens de regarder, mais c'est un petit peu trop dangereux. Il y a des choses qui dépassent dans le sol. Là, je ne rigole plus au risque de se faire mais pour mal. Mais Cyril, il peut, mais... Non, justement, je viens de vous dire. Alors, mais vous m'écoutez ou quoi? Vous voulez que je le fasse comment? Oh, pff, les canards, vous avez déjà fait. En marche arrière. En marche arrière. Donc, ça, pour faire des cumulés, il y a des obstacles, c'est dangereux, mais marche arrière, on voit rien, il n'y a pas de problème, là on peut se planter. Mais d'accord, vous n'avez pas de limite de temps, donc ça va. Alors, oui, mais il faut le faire le plus rapidement possible quand même. Non, ne vous blessez pas. Mais alors, je peux terminer à 20h. Hein. Non, on va le faire plus rapidement, le plus rapidement possible. Voilà. Oui. Vous êtes prêts en régie pour mettre la musique? Attention, 3, 2, 1. Bip, bip. Ben, il y a de la casse. Mais vous avez triché, vous avez regardé derrière vous. Oui, mais je pense que c'était indispensable parce qu'il a failli tomber. Hein. Mais il y a vraiment... Il y a un ventilateur qui s'est écroulé. Attendez, je vais venir le réparer. Je pense que le ventilateur va mal. Hein. Il ne... La personne ne tourne plus, la personne ne répond. Ah si, ça y est. Ventilateur réparé. On vous envoie un réparateur? Un réparateur de ventilateur, oui. Je veux bien parce que... On a Laurent ici, qui est super doué en réparation. Nous avons trois morceaux de ventilateur, si ça intéresse quelqu'un. Comme dirait Bourville, il marche beaucoup moins bien. Voilà. Je vous présente Laurent Méry. Salut Laurent, c'est ton métier, réparateur de ventilateur? C'est pas mal, hein. Arrête l'hélice peut-être avant de le réparer, hein. C'est mieux. Sinon on aura de l'américain à manger. J'étais et on caché, peut pas oui. Manger de solide dans ce cube. Est-ce que nous avons encore un extrait, la voix ou pas? Oui, encore trois. Ah, mais j'ai l'impression que tout à l'heure il n'y en avait plus qu'un. On s'est fait arnaquer. Bon, il est facile, il est très facile, attention, extrait. Oh non de Dieu, non de Dieu, versez-moi un cadeau. Là, c'est pas chou. Désolé, Cyril. Mais vous faites exprès, quoi. Mais non, c'est un film culte. Mais oui, c'est un film culte. Et alors, vous croyez que moi, j'ai une mémoire à retenir toutes les répliques de films? Comment vous faites, Josiane, Josette? Josette, si vous êtes déjà pas capable de retenir mon prénom. Mais j'ai un problème de mémoire, vraiment. Bon, j'en refais encore le tour. Oui, pourquoi pas. Bah, pourquoi je pas. Propose à quatre pattes cette fois-ci. À quatre pattes. Oui. Alors, allons-y. Attention, votre casque. Le plus rapidement. Qu'on peut faire, on peut mettre oui. Des bruits de chat, par exemple. Des bruits de chat? Ah, oui, vous voulez que je miaule? Un miaulement. Non, on va le faire comme ça, vous imitez un peu Phoebe. Ok, c'est très bien. Parfait, allons-y. 3, 2, 1, c'est parti. Auquel vous n'avez pas pensé dans cette équipe, c'est que c'est de la moquette au sol. Et la moquette, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle les genoux. Mais non, ça chatouille. Bon, est-ce qu'on écoute Machiavel et on continue ce blind test après? Un dernier, puis c'est mais je pense que Cyril est un peu fatigué. D'accord, on met un disque. On fait une petite pause, on revient dans un instant, ça vous va? Machiavel, okay. Qui a été demandé par Olivier, 50 euros de dons en plus. Get high. Cavell en live. C'était Fly et ça rapporte de l'argent. C'est un don de plus pour Via for Live de 50 euros. Vous aussi, vous choisissez la musique, faites-vous plaisir. N'hésitez pas, il faut voter. C'est pas voter, mais il faut choisir votre musique pour soutenir les enfants qui en ont besoin. Vivaforlife.be pour faire vos dons. Et j'ai une motivation pour vous. C'est que vous avez un animateur super souple. Et comme je le disais tout à l'heure, Cyril Hanouna dans son émission met souvent son pied sur son bureau. En disant qu'il est le seul animateur à le faire. Alors la voix, depuis qu'on est rentré dans ce cube, vous me lancez régulièrement des défis. Oui. Mais je me lance moi-même ce défi. Je vais vous montrer que je suis aussi souple du côté droit que du côté gauche. Vous êtes prêts pour le poser de pied sur le bureau ? Oui. Attention côté droit. Attention. Ha ! Wow, magnifique, joli. J'applaudis. Côté gauche, ça demande de la préparation, tout ça est en direct sur la Une en télé et sur Vivacité. Ha ! Ouh, j'applaudis aussi. Vous êtes sexy comme ça. Et maintenant, les deux. Non, il ne va pas faire ça quand si, même. Si, je vais l'essayer. Attention. Quitte à casser. J'entends la voix tant qui rigole. Tant qu'à faire, oui, c'est on ça. On vous envoie des... Appelez déjà les ambulances. Des secouristes, oui, okay, attention. Ha ! Les deux. Ça marche pas. Ouh, magnifique, j'applaudis. C'était presque réussi, je dois dire, je suis impressionné. Ça ne marche pas et je viens de me déchirer un muscle dans l'épaule. La voix... On revient au blind test. Oh, oui, oui, c'est vrai. Merci, c'est quand même c'est important. Quoi. Non mais c'est vrai, soyons sérieux. Okay. Un moment... Bon, allez, c'est le septième extrait. On racontait souvent l'histoire de ce droïde. Ah, Obélix! Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre! Voilà, ah, c'est Cyril qui a gagné! Mais c'est vrai? Ah oui, oui! Ouais. Ah, bon, d'accord! Josette, oui. Le tour de la table à cloche-pied, hop, c'est parti, c'est pour moi, c'est cadeau! Hop, le plus rapidement possible, c'est parti! De cigu, de la pave, de sangsu, un scorpion coupé très fin, et un peu de poivre en grain! Pas mal, pas mal, pas mal, il y a du style! C'était pas évident! Oui, la voix! J'ai une bonne nouvelle! Quoi? Vous allez voir. Je suis inquiet? Oui, il arrive. Oh! Il y a un nouveau ventilateur, puisque j'en ai cassé un tout à l'heure! Merci! Mais et on dit merci qui? Merci la technique! Merci Laurent Méry! Merci Laurent! Dis Laurent, par contre, tout à l'heure t'as dit que t'étais réparateur de ventilateurs, mais si j'ai un bon sens de l'observation, c'est pas celui de tout à l'heure! Tu m'arnaques si. Moi je trouve qu'il a, il a un petit côté si. Il a un petit côté livreur de chez Coca-Cola. Alors c'est vrai. Et c'est qu'est-ce vrai. Qu'il fait le livreur de Coca-Cola? Si. Il enlève la fille. Joseph, venez m'aider. Mais passe pas en cours. Arrêtez. Et s'il y a des enfants qui regardent. Regardez qu'il l'a vraiment réparé. Hop, il a mis du fil de fer pour réparer ce ventilateur. Quel service! Voilà, c'est exceptionnel. Voilà. Regardez quelle belle réparation. Ça va tenir au moins 10 minutes. Merci Laurent. Bon, il reste encore un extrait. On y va. Ah, ben, allons-y. Je vous sens pressé. La voix, allons-y. Excusez-moi, je reviens là-dessus parce que ça m'intrigue, le truc des oreilles. Vous kiffez vraiment, ça veut dire par exemple, si vous avez les oreilles rouges, oui. Ça veut dire que vous non, êtes excité. Non, vous n'avez pas la réponse. Voilà, c'est ça. Et curieusement, le matin, des fois, je me réveille, j'ai les oreilles un peu dures. Non, je ne vois pas, j'avoue, je ne vois pas. Les deux. Ah, vous allez courir tous les deux ensemble. Qu'est-ce que c'est? On compte encore. Non, on ne remet pas l'extrait. Non, moi je ne vois pas du tout. Vous pouvez le remettre 20 fois, je ne vois quand même pas. Donc. Je vais compter jusque 10. Oui. Et à après... 10, vous n'avez pas trouvé, vous faites un tour ensemble. Ben, vous pouvez compter jusque 1, on ne trouve pas. Ça ok, va pas vous avez perdu. Ça. Ça va pas me dire comme ça la fois. Enfin. Vous allez faire le tour de la table enlacé. Enlacé. D'accord, ok, ok. D'accord. Attention, ouais. Venez Josette, venez jusqu'ici. Enlacé, mettez la musique. Et voilà la voix. Vous et êtes voilà. Impressionné, non? Oui, mais je suis contente. Vous voulez savoir pourquoi? Bah dites. Vous avez perdu le blind test. Et? Bah vous allez être maquillée. Ah bah... Vous savez, je pense qu'après tout ce qu'il a fait, ça ne lui fait même plus peur. Ah ok, mais Josette, faites-vous plaisir, allez-y. Bon d'accord. Et vous savez quoi, la voix? Moi, j'ai un autre défi pour vous. Venez réparer l'écran tactile que j'ai cassé avec mon pied. Ça ne fera pas rire tout le monde. Non, on l'a dit. Donc cette nuit, le bilan de cette nuit, un ventilateur cassé et un écran cassé. Tout va bien. Non, mais il n'est pas vraiment cassé. Je pense que vous allez pouvoir réparer ça assez facilement. Envoyez oui. Laurent avec un fil de fer, il va s'arranger. Bon, ce blind test est terminé, la voix ? Oui, c'est ça. Mais pendant le disque, vous allez être maquillée, en fait. Bah, si vous voulez. Voilà. J'ai un peu l'impression d'être votre poupée et que vous faites n'importe quoi de moi. Oui, mais je vais m'en aller, donc on se retrouve demain. C'est gentil, merci. Et quoi, vous allez me maquiller, vous vous barrez après? Voilà, c'est ça. Eh ben super, merci la voix. On écoute Coldplay avec Avicii, A Sky Full of Stars. Maintenant, ça a été demandé par François de Sainte-Aude. Il a donné 25 euros. Merci François. C'est bien ça pour démarrer la journée, 5h50. Ou alors, peut-être pour la terminer si vous rentrez de boîte. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Coldplay, Avicii, A Sky Full of Stars à l'instant sur Vivacité. Non, Viva for Life, et cette émission cette nuit est complètement partie en vrille, hein, je pense qu'on peut le dire. Je trouve que votre maquillage vous va ravir. Alors oui, parce que Josette m'a maquillé pendant la pause, pendant qu'on écoutait le morceau choisi par François de Saint-Aude. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Expliquer pour les auditeurs qui sont juste de l'autre côté de la radio. Je vous ai fait un regard de biche et un petit tatouage sur la joue pour vous prouver mon amour avec un petit J de Josette dans un cœur. C'est magnifique. Excusez-moi. Bonjour Seb. Ouf, on l'a réveillé, je pense. Je suis bien dans le cube de verre de Viva for Life. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai l'impression pendant l'espace d'un instant que je m'étais trompé de côté du boulot. Et que j'étais chez les putes. Mais non. C'est la cage aux folles. D'accord. Ça t'intéresse? Absolument. Mais absolument pas. Vraiment absolument pas. Si je te fais une réduction, je fais une promo. Et ben même avec une promo. Bah allez. Non, je te jure, non. Excuse-moi. Si c'était la dernière femme sur Terre. C'est la troisième. Si c'était la dernière femme sur Terre, je prendrais le chat. Mais c'est la troisième journée que tu es enfermé dans ce cube. À un moment, tu peux avoir des besoins. Je suis là. Ben écoute, sincèrement. Non. Je réfléchis bien. Imagine, si quelqu'un fait un énorme don. Oui, si quelqu'un fait un énorme don, attends, j'imagine très fort, non plus. Oh là là là là, il a pas de cœur ce homme-là. Mais c'est pas qu'il n'a pas de cœur, c'est juste qu'il... C'est juste qu'il y a des passages, des sens interdits. C'est juste qu'il y a des choses que je veux bien avoir. Non, enfin, non. Ça doit être la couleur de votre robe qui ne lui plaît pas. Ça doit être ça. En tant qu'expert dans On n'est pas des pigeons. Oui, justement. Eh bien, est-ce que vous savez quel tarif on peut proposer? Non, en tant qu'expert dans On n'est pas des pigeons, on prône beaucoup le travail artisanal. Si vous voulez. Le travail manuel. Eh bien, c'est pour ça. Tu vois le petit artisan qui bosse tout seul dans son coin? Je décide donc, si vous êtes la dernière femme sur Terre, de rester un artisan. Tu vois ce que je veux dire? Il est hors de question aujourd'hui pour moi d'élargir le cercle de mes amis à ce point-là. D'accord. C'est un râteau en direct, mais je m'en remettrai. Faut que t'ailles dormir, toi. Hein. Ben oui, mais j'ai pas dormi depuis midi hier, donc ça commence à faire un petit peu long. Toi, t'as bien dormi cette nuit? Oui. C'est bizarre cette discussion, j'ai l'impression qu'on est le matin en train de prendre le petit déjeuner. Ça va, Chou, t'as bien dormi? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? On est le matin et on prend le petit déjeuner. C'est vrai. Écoute, oui, j'ai bien dormi, pas assez comme d'habitude, mais c'est pas très très grave. Il y a ma voix qui part en sucette, par contre. Ben ça te fait une belle voix. Ouais, va falloir gérer ça. Merci, Josette, d'avoir passé la nuit ici dans le cube. Je vous en prie. C'était très agréable. Oui, pour moi aussi, j'ai eu bon, comme on dit. Ah ben, moi aussi, je me suis cassé, je pense, le poignet. J'ai les genoux brûlés à force d'avoir rampé par terre. J'ai cassé un écran, un ventilateur. Ben, ça va, et j'ai perdu mon pantalon. Qu'est-ce qui me reste? Je fais ça, on fait l'inventaire du matos. Qu'est-ce qui me reste? Bah, tu as une table de mixage, ça fonctionne à peu près. Ouais. Et puis de la musique. Mais c'est vraiment mon pantalon hein, que j'ai perdu. Donc, on est pas bien là, on n'est pas bien. Continuez à faire vos dons. Viva for Life. .be puisque il y va y avoir le journal de 6h, mais juste après tu reprends. Non. Non. Bah d'accord. En fait, allez, non. Salut, bonne journée. Non, j'ai dit non. Bah débrouille-toi. Et finalement c'est toi maintenant. Hein. Non mais non, moi c'est à partir de 6h. Écoute-toi, j'étais coaché par le fonctionnaire. J'ai été coaché par les syndicalistes du dépôt des techs de Jumet. Je peux te dire que monsieur, je ne commencerai pas mon service avant 6h. Bon bah d'accord. Pendant ce temps-là, Josette, juste avant de partir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nous refaire une démonstration, parce qu'on était dans un thème cinéma. Vous allez nous refaire une démonstration de votre talent. On est passé dans le cinéma version Marc Dorcel. Oui, un petit quart d'heure que vous auriez beaucoup aimé. Et tout à l'heure, nous avons dû sortir l'affichage pour le CSA moins de 18 ans. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci Jackie et Michel. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Moi non plus. Est-ce que vous pouvez nous jouer, bah tiens justement, le film X? Mais je montre aussi ça, moins de 18 ans pour les 30 prochaines secondes. Donc on écarte les enfants des transistors, comme on dit. Oh oui, vas-y, c'est bon, vas-y, un petit peu plus vite s'il te plaît. Oui, voilà. On parle bien évidemment de quelqu'un qui est sur la route et qui ne roule pas assez vite. Hein. Non, c'est ça. La personne qui est embêtée dans les embouteillages. Exactement. Je comprends bien. Est-ce que vous pouvez jouer la déclaration d'amour envers Sébastien? Mais c'est pas fini ici. Sébastien. Oui. Ton regard m'éblouit. Oui. Comment ça va la blague? Tu as un regard de belette. Oh, vous savez le truc avec les étoiles, là. Tes parents ont volé les étoiles et ils les ont mis dans tes yeux. Ton père est un voleur. Voilà, c'est ça. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. C'est ça. Eh ben, c'est ça que je voulais vous dire. Eh ben, tu ne l'as pas dit. Ben, si. Oui, mais mal. Oh oui, ça va. Hein. Je ne peux pas tout faire. Si vous saviez le nombre de choses qu'elle a fait mal depuis hier soir. Hein. Bon, dans un instant, Sébastien prend le relais. Je pense qu'il est grand temps que cette soirée du cinéma s'arrête. Prochain rendez-vous demain, ce sera la soirée vinyle. Vous allez pouvoir venir avec vos vinyles dans le cube pour nous les mettre par... Non, tu t'arrêtes là. Viva for Life, avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Ores soutient Viva for Life.